Planète Rap. 100% rap français. Et c'est parti juste après Difool pour la nocturne 100% rap français. Ça fait plaisir d'avoir en ce début d'année des nouvelles de Ice MC qui est là avec Volteface, messieurs. Les frères Lumière sont là, comment va? Ah, ça va très bien, ça va très bien, on pète la forme. Tout est bon, on est là, on est en forme. Bienvenue, c'est la nocturne, une première partie de nocturne avec vous. Pour annoncer plein de choses. Wow. Pour annoncer beaucoup de choses, exactement. Exactement. Bon, première chose, c'est que quand même dans une semaine, Volt, tu y seras aussi, il y a la Cigale. Bien sûr, il y a la Cigale, ouais, bien sûr. Voilà, dans une semaine, il y aura la Cigale et j'organise un concours parce que voilà, je suis quelqu'un qui aime le freestyle, Volt aussi. Voilà. Ouais. Donc, je voudrais que vous m'envoyiez tous vos freestyles, mais pas des freestyles bâclés. Je parle de vrais talents, des vrais freestylers, des gens, même si vous-même, vous rappez pas, vous avez des amis et vous croyez vraiment en eux. Dites-leur d'envoyer leur vidéo à biglemsi@gmail.com. Donc B-I-G-L-E-M-S-I. biglemsi@gmail.com. biglemsi@gmail.com. Et on choisira le freestyle, Volt et moi. On va regarder ensemble. Et on va vraiment sélectionner celui qui nous aura vraiment surpris. Et on veut des gros freestyles parce que nous, on a commencé dans ça. Donc on est super sélectif. Voilà, on veut des gros freestyles, des vrais trucs de ouf. Et en même temps, il faut se dépêcher parce que c'est la semaine prochaine. Donc, jusqu'à quand vous arrêtez quand les... Je pense qu'on va arrêter le décompte jeudi. Le décompte jeudi, ok. Ouais. Donc, jusqu'à jeudi pour balancer des très gros freestyles. Des très gros freestyles sur cette boîte mail. Et j'inviterai la personne qu'on aura sélectionnée à venir faire un freestyle sur scène à la Cigale en direct avec c'est une chance, moi, ça, les gars. C'est une chance, les gars. Ah bah, ouais, écoute, on va en profiter. Hein. Une première belle scène en plus, comme la Cigale, c'est un bel endroit, la Cigale. Hein. En tout cas, nous, on aurait eu ce plan-là il y a quelques années, on aurait sauté. Vous auriez défoncé ou pas? Vous auriez éclaté la boîte mail? C'est sûr. De ouf. J'en veux 30 freestyles, frère. Bon, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire, envoyer le freestyle à Big Lemsi. On mettra les adresses d'ailleurs sur les Twitter de Skyrock, de Planète Rap et tout. On mettra ça. Voilà, la Cigale le 30 janvier. Merci à tous ceux qui ont pris leur place. Il en reste encore. Donc, dépêchez-vous, c'est la dernière ligne droite. Il faut vider ça, là, pour remplir surtout. Et à mon avis, Ice Lemsi, Volteface, plus d'autres invités, je suppose, sur scène, faut pas louper. Hein. Ah, faut pas louper. Il y aura du très beau monde ce soir-là. Ouais. Bon, alors, dans cette nocturne, il paraît qu'il va y avoir aussi, je sais pas, petite exclue, on peut le dire, même grosse exclue. Grosse exclue. Là, il faut qu'on vous parle ce soir. Il faut qu'on parle à nos supporters, voilà, nos frères et nos sœurs Lumière. Il y a plein de belles choses à annoncer. Il y a beaucoup de belles choses à annoncer. On s'est enfermé là. Ça fait 3 mois qu'on est dans la grotte et dans la salle de l'esprit et du temps. Tu sais ce que je propose, Ice? C'est qu'on balance 2 morceaux là. Ouais. Histoire que les gens soient là à l'écoute et dans un instant on vous annonce plein de bonnes nouvelles. Voilà. Je suis d'accord avec toi. On attaque avec mes ennemis. Ok, vas-y, balance. C'est parti. Nocturne, Ice Lemsi, Volteface au contrôle. Dis-moi qui sont mes frères. Dis-moi qui sont mes ennemis. La célébrité, mes frères. Dis-moi qui sont mes ennemis. Dis-moi qui sont mes frères. Adal. Dis-moi qui sont mes ennemis. La célébrité, mes frères. Et j'ai peur. Que Dieu me guide. Me montre le chemin. J'ai de la vengeance au frais, j'ai percé, j'étais pas prêt, c'était écrit dès le berceau. La célébrité m'est frais, mais c'est vrai que je suis frais dans ce nouveau polo Kenzo. Jeune indigène algérien, j'ai le tap qui gêne fidèle à ma plume comme Léonard à son pinceau. Paradoxal, je porte hors des rois, mais je rêve d'une femme qui porte hijab à la maison. Je prie pour que Dieu nous pardonne, qu'il nous couvre de ses bienfaits. Je laisse la couronne à la daronne. Et la parole à mon refrain. Dis-moi qui sont mes ennemis. Dis-moi qui sont mes frères. Quand mes potes ont matière dans l'ombre, y'a que mon frère Lumière qui m'éclaire. J'suis cette oasis dans le désert. J'ai perdu tous mes repères. J'essaye de franchir les règles en restant droit comme une équerre. Et puis y'a que Dieu qui peut me guider. J'vous parle en toute sincérité. Vas-y pour que nos flots ils passent crème. Toi mon vieux, ta carrière est ridée. Qui sont mes ennemis? Adal, ça arrive. Dis-moi qui sont mes frères. Les frères Lumière, 2016 c'est à nous. Dis-moi qui sont mes ennemis. La célébrité. C'est que le début. Et j'ai peur. Reste branché. Et j'ai peur. Que Dieu me guide. Me montre le chemin. Dis-moi qui sont mes ennemis, dis-moi qui sont mes frères. Quand mes potes m'attirent dans l'ombre, y'a que mon frère lumière qui m'éclaire. J'suis cette oasis dans le désert. J'ai perdu tous mes repères, j'essaye de franchir les règles. On reste à droit comme une équerre. J'vois les fans de ces cours, tu m'aimes pas, j't'emmerde et puis c'est tout. Insomniaque depuis la naissance, j'me réveille à l'heure où tu vas de chez coup. Chez coup, chez coup, tous mes potos sont chez tout. Mon bonheur tient qu'à fil que ces salopes essayent de pécou. Qui sont mes ennemis? Adal, Adal. Dis-moi qui sont mes frères. Dis-moi qui sont mes ennemis. La célébrité, mes frères. Adal. Et j'ai peur de personne. Que Dieu me guide, me montre le chemin. Dis-moi qui sont mes ennemis, dis-moi qui sont mes frères, dis-moi qui sont mes ennemis. Planète rap 100% rap français. Young Vico. What the fuck? Adal. Heistless. Yeah. C'est les frères. C'est ça. J'suis pas tout, j'suis Trafalgar. Ouais, je reveux, pourquoi tu cours? Trafic. Tu demandes pourquoi je vis la nuit? Parce que je vais mourir un jour. J'ai fait des trucs de malade. Moi j'suis Trafalgar, j'suis Panam. Et j'aime toujours pas Mago. J'la galoche que quand j'suis malade. On est dans la bouche à Beretta. J'suis souvent dans ma bulle comme Vegeta. Et putain pour sortir de la chenou, ça empêchera pas les keufs d'être là. J'me lèverai jamais pour aller fêta. Viens pas nous raconter ce que tu n'es pas. On joue au tennis avec ton flow, fils de ramène-toi en studio de 4 heures. Le monde est loco, ok, on tape du marché mondial. On transforme les showcase en agence matrimoniale. Addict à l'amnésia, ace, rentabilité cellophane. Tu rappes un film de Scorsese, essaie d'encaisser mon diable. Envoie la Pookie qu'on la pèse. Charclos détail, tu te méprends plutôt le diable. N'a guère pris mon âme, j'finirai pas ma vie comme tous ces vieux charclos. Du rap, j'investis partout sur le globe, suis la rap archi du rap. Y'a les mêmes constats que Tony, c'est garde Nouvelle-Calédonie. J'vais t'écraser comme une punaise et tous vous allumez, ok. Tu m'as jamais poussé trop ni j'ai ma pétaille, c'est mon brolic, j'compte les 500 dans le mode. Je vais leur faire un cratère, 40 mesures par café latte, j'ai fini la cafetière. L'insomnie m'a hanté, j'ai un intrépide effronté, chargé passé des frontières. Des bétails c'est des bolos dans le répertoire du funtel, fous la merde avec le refrain dans ta parie, yeah. C'est bico joue les colosses, on leur fera voir du pays. Je laisse dans la jungle entre tu m'as trahi, yeah. Nos vies tenaient sur un fil, on a fait ce de ta voiture en filature, y'a les lardis de sur Paris, yeah. Demande aux frères lumière, on avait pas le dîner. Dans les couilles, ton départementé sur Paris, yeah. Tous mes ennemis, dites-leur que je reviens. J'en ai un à foutre de savoir où je vais crever. Sois pas choqué si tu vois toutes les bécanes se lever. Et ne chicane ta meuf, après je me sers un revêt. C'est moi qui tiens les manettes, vois la vie en 2D. J't'envoie direct mon équipe, je passe à l'heure ma repée. Dans ce game de merde, y'a personne qui m'a me stopper. Le 25 mai j'arrive, c'est la date de mon EP. Reste bien sûr. Tu fais pitié, ta carrière est à rond-point. Tu parles, mais t'as pété ton flou sur le bon coin. J'incite pas les petits frères à tirer sur leurs joints. J'te souhaite que du bien si jamais tu me rejoins. Et puis j'ai peur de ça ne faire à part de l'éternel. Les oreilles bien ouvertes à chaque fois qu'on ferme l'œil. On fait du bif en concert et puis sur internet. On prépare nos showcases, tu prépares ton cercueil. J'suis pas pour, j'suis trop pas le gars. Tu demandes pourquoi j'vis la nuit. Parce que je vais mourir un jour. J'ai fait des trucs de malade. Et j'aime toujours pas ma dos. J'la galoche que quand j'suis malade. La Nocturne avec Ice Lemsi, avec Volteface, les frères Lumière. Yeah, c'est lourd. Young Biko 2, yeah. C'est ce qu'on écoutait à l'instant. La Nocturne, alors on l'a dit, il y a plein de bonnes choses. Vous étiez là au début, vous avez peut-être entendu qu'il y a évidemment La Cigale dans une semaine, Ice Lemsi à La Cigale. Et qu'en plus de ça, peut-être l'un ou l'une d'entre vous sera sur scène avec Ice Lemsi. Ouais, ce serait un plaisir aussi pour nous, hein, tu vois. Il faut vraiment kicker sévère. Hein. Un nouveau talent. Donc allez-y, envoyez vos freestyles, on rappelle l'adresse. biglemsi@gmail.com. biglemsi@gmail.com. Voilà, pour envoyer tous vos freestyles qui défoncent. Et voilà, peut-être la semaine prochaine, La Cigale pour vous avec Ice Lemsi. Et puis d'autres nouvelles alors. Les frères Lumière. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour 2016? Voilà. Alors, il faut qu'on vous dise, là, on s'est enfermé pendant un bon moment. Voilà, on n'a pas vu la lumière du jour. On n'a que vu la cabine et le micro. Et on vient justement de finir le premier album qu'on a toujours dit qu'on ferait à deux. Mmh. Parce que voilà, on est quand même les frères Lumière, tu vois. On a toujours évolué chacun de notre côté. On s'est fait connaître en même temps. Donc aujourd'hui, je pense que c'est la consécration de toutes ces deux c'est carrières. C'est l'apogée. C'est l'apogée. Et donc ça veut dire un album en commun. Ça veut dire un album en commun. En commun. Voilà, de Ice MC Volteface. Donc ça, ça sera l'album des Frères Lumière, voilà. Qui à va s'appeler Adal. Adal. À des années lumière. Voilà. Tu sais pourquoi? Donc c'est officiel, ça y est, sorti. On peut donner la date de sortie, non? Vous l'avez en tête? Bon, pour tous les frères, toutes les sœurs Lumière qui nous suivent depuis le début, de loin comme de près, qui attendent Adal à des années lumière, parce qu'on est Adal de tout le rap français. Adal, on est à des années lumière de Biko. La sortie de Adal officielle sera le 25 mars. Le 25 mars 2016. Donc dans les bacs. Dans deux mois. Exactement. Là, on va balancer du lourd sur les deux mois qui restent. Là, le 25 mars, on arrive. On va. Voilà. On va tout niquer. On annonce, le premier clip. Voilà, avec le prochain extrait dans les jours qui viennent. Donc ça arrivera dans les jours qui viennent. Très vite. C'est là. Ça a démarré là. Le truc arrive. Vous ferez aussi une belle surprise dans un instant. Je crois qu'il y aura. Ouais, je crois que ce soir, on va quand même vous faire plaisir parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas venu ici. On va vous faire écouter une petite exclue ou quoi. Ou de. Et pourquoi pas faire un freestyle aussi. Non, ce soir on est là à faire plaisir, on va envoyer ce soir. Ouais. Et alors qu'est-ce qu'on met là pour repartir? On met le morceau d'abord, parce que c'est vrai que vous avez repris le Box avec les mots, ce qui n'est pas évident non plus, ouais. De reprendre des aussi gros morceaux comme Box avec les mots. Et là, on a relevé le défi. Et là autant vous dire que le défi a été très bien relevé. Ouais, c'est lourd. Et carrément. Arsenic, gros big up à eux d'ailleurs, ouais. À Lino et merci Calbo. Merci à eux d'être venus sur, ouais. Sur les lieux, ouais. Du tournage. Il y a le clip aussi, il y a les images qui sont dispo. Voilà, ouais. Sur YouTube. Non, c'est lourd. Qu'est-ce qu'on fait? On part dessus sur Box avec les mots maintenant? Ouais, je suis chaud. Vas-y. Chaud les gars? Chaud. Ice LMC, Volteface, Box avec les mots. Yeah. Ouais, Fabou. Ouais, Marley. On fait ça bien. XV Bagdad. Ice LMC, je boxe avec les mots, des beats mes vers sur le beat, le poison coule à flot, il coule à flot, mon flow fait swing à la foule. Tu danses sur l'air de l'alarme, le chant des fusils, l'air est malsain, c'est une époque à damner un saint comme un Uzi, crache la mort, j'accuse, arrache la muselière, cache et je mâche plus mes mots, je lâche des bombes à chaque fois, sache que l'heure est proche, tâche d'avertir tes proches avant le clash, peur à sanglant, rime taillé dans la roche, j'attache de l'importance au sens dans mes textes, ose causer de misère en prose, puis exploser pour la bonne cause, la PJ sous une bâche, à qui profite la guerre, la PJ censure un rap moins violent, choix c'est les guerres, entache mon business, puis cache la vérité, les coups sont mérités, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. J'ai hérité de la violence, ça afflue sur mes compositions. Qui prétend faire du rap sans prendre position? Faire opposition, ça me connaît, moi je veux cogner en me faisant de la monnaie, donner puis recevoir au bonheur m'abonner. Saitama. Je boxe avec les mots, je vis aussi chaud, couché sur le dos à mort des paros. Les formules haute politesse, nous on s'en fout. Si tu kiffes pas Renoir, t'écoutes pas et puis c'est tout. Adal le 25 mars, poteau. J'évite le non-sens comme un virus. Super stable dans le ghetto, comme à la roulette russe. Les taux se resserrent, l'état met le veto. Les jeunes se mettent au rap très tôt, ils frappent. La résistance est prête au micro, je deviens MC à mes deux. Rap les barreaux de prison, si t'enfermes l'expression, ralique la morale. Le rap est sous pression quand l'inoral. Depression de la gâchette, ici où le viscère. Mon album s'achète comme un douze pervisère. Ferme-moi la poigne, les mots des frères je soigne. Mes mots en témoignent, si l'enfer est pavé de bonnes intentions, que le port s'éloigne encore. Un autre prétexte, un texte violent. Mais voilà, j'ai pas joué du violon. Des rimes à la mort, moi l'insolent. Mon solo rap shoot, crée le bootleg. Moi le micro, déjà les accros veulent des bootlegs. Écoute, Arsenic c'est pas une black queen. Gueule, kiffe le single, laisse la dance au drag queen. Je boxe avec les mots. Je boxe avec les mots. Des beats mes vers sur le beat, le poison coule à flot. 25 mars. Coule à flot, mon flow fait swing à la foule. Tu l'as pas en couille, je prête mes couilles. Je boxe avec les mots. Je boxe avec les mots. Des beats mes vers sur le beat, le poison coule à flot. Il coule à flot, mon flow fait swing à la foule. Habite une grosse basse. Pour que je me place, j'ose ma voix pour mes sauces. Passe-moi les bastos. Pour qu'on les blesse tous, les pousse dans la fosse. Fesse les fausses faces, laisse une trace dans ce Nesby en caisse. On passe mes gars en masse. Flirte avec le meurtre. Ta sensibilité shirt et c'est ton sang qui tâche mon t-shirt. N. Yen au style. Boum boum. Finance tes top. Sec. Zoom sur ma clique, mec. Cap tout sous mon zop. Sec. X large. Je me fixe et charge. Je me garde les amis. Mes ennemis, je m'en charge. Une charge. Explosif, barge, rime, pousse au crime au carnage. Cure, car c'est dans la merde. Que mes lascar au carnage. Tueur de clown, cyclone, rap, chasseur de clones et parano. Pousse Albe Calpo et Tony Serrano. Capotable, frappe au micro, brûle pas les étapes. Holster, comme l'enchant dans mon holster, tu peux y laisser ta peau. Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots. Des beats mes vers sur le beat, le poison coule à flot. Lino. Il coule à flot, mon flow fait swing et la foule. Calme-moi. Arsenic. arsenic. Avec les mots, hein? Je boxe avec les mots, hein? Je débite mes vers sur le beat, le poison coule à flot. 25 mars, secteur A, Adam. Affaire de famille, volume 1. Marlef à bout, grosse dédicace à vous. Yeah. Affaire de famille, volume 1. Toujours disponible, la famille. Allez le pêcher sur iTunes. Aïe, aïe, aïe. Voilà cette reprise arrangée par les frères Lumière qui sont là ce soir avec nous pour cette première partie de Nocturne. Boxe avec les mots à l'instant. Boxe avec les mots, on a... Cette idée de reprise, c'est parce que c'est quoi? C'est un morceau qui a énormément tourné. C'est un morceau qu'on nous a proposé. Ça nous a parlé directement parce que voilà, on est quand même assez puriste dans l'âme, même si on arrive à vivre avec notre époque. Mais ouais, ça nous a fait plaisir qu'on nous propose un morceau pareil. Tu vois, nous on est les frères Lumière, eux c'est des vrais frères et tout. Tu vois, Arsenic. Donc il y avait quand même une similitude et ça nous a intéressé direct. C'est un honneur de poser un son pareil. Tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Sauf que le public sait pas si on est frères. C'est juste ça. C'est vrai. Mais voilà, c'est vrai. Mais tu vois. Et alors la réponse? Haha. Vous l'aurez. Est-ce qu'on l'aura dans l'album là qui sort le 25 mars? Ah, ça c'est vif. Ah, Fred là, non. Ça c'est un mystère. Là je suis en début de nocturne tout à l'heure. Ah, c'est chaud. J'aurais été un peu moins vif tout à l'heure. À minuit c'est ton heure. C'est un mystère. En vrai c'est un mystère, mais on va le dire. C'est sûr qu'on va le dire. Très bien. Donc en tout cas le 25 mars. Pour résumer rapidement, le 25 mars sortie du premier album donc en commun les frères Lumière, voilà. Volte-Face, Ice MC. Voilà. La semaine prochaine il y a la Cigale. Ouais. La semaine prochaine il y a la Cigale. Les places sont en vente. Dépêchez-vous. Il reste qu'une semaine pour les récupérer, même pas. Donc allez-y. Et en plus de ça, on rappelle que si vous êtes un freestyler, gros freestyler, vous envoyez votre freestyle sur n'importe quel son, peu importe, hein, les gars. N'importe, vous choisissez une instru et vous cliquez dessus. Vous pouvez même faire en acapella si vous pensez nous surprendre, même en acapella. En slam. En slam. N'hésitez pas à balancer, en tout cas, et l'adresse, je le rappelle, c'est biglemsi@gmail.com. biglemsi@gmail.com. Voilà. On met un morceau qui s'appelle Les Fleurs du Mal. Bon, on va vous mettre une petite exclue. Alors, parce que ça, c'est une petite exclue, ouais. C'est même une grosse exclue. C'est une grosse exclue, même, on dirait. Ouais, c'est même une grosse exclue. Voilà, c'est un petit délire qu'on s'est fait. Voilà, on voulait vous l'offrir ce soir parce que je pense que vous le méritez. Donc, merci encore une fois à tous nos frères, toutes nos sœurs Lumière. Et n'oubliez pas, à des années Lumière, le 25 mars dans les bacs sur iTunes partout. Les fleurs du mal. Les fleurs du mal. Les fleurs du mal, Biko. Le 25 mars dans les bacs. Écoute bien, mon pote. Xavier, Jordan. Tu me dis que tu m'aimes, salope, t'es là pour l'apothéose. Prends garde aux épines quand je t'apporte des roses. C'est quand je les estime que je porte des robes. Bico, la Palestine est au bord de la névrose. Frère Lumière brille d'une sombre clarté. Versace à l'auriculaire, Daytona au poignet. Je sors du club avec Gogo, le regard éclaté. Tout est bon, Bico, Redouane a passé les douaniers. Ska. Elle se repoudre le nez des allers-retours aux toilettes. Ska. Je te dirais non si je devais te résumer ma life en trois lettres. J'ai la fougue de l'Algéro à la patience du Touareg. De petit peu, je suis un leader, personne ne m'arrête. J'arpentais le pavé dès mon plus jeune âge, bitch. Chez moi pour une histoire de rein, c'est mon gars. Bah. Mes premiers vols à l'arraché, j'avais 13 piges. L'oiseau de nuit vola de ses propres ailes. Bah. Bitch, à Dunkerque, tu m'as déjà mis, je t'en ai 4 mains de Dampère. Rassure-toi, si la capote craque, ton enfant sera surdoué comme son père. C'est les frères Lumière, c'est les frères Lumière. On a fait notre place comme celle de Bastu. Bouffonne, tu crois vraiment que je vais te marier? Dans 10 ans, je t'offrirai peut-être un ice tube. Ils font les you-vois. C'est tous des pédales, je crois qu'ils sont servis. Tu cherches les blèmes, je mets une équipe sur ton dos, je m'arrêterai pas à l'ernie. Ils font tous Zama, ils font tous Bernie. Les inséparables, un jour c'est parti. Je suis jamais parti, et si t'as le bras long, bébé, je crois que je vais chécrire sur ton vernis. Je m'en bats les yeux, je gère des bastos, je gère des canons. On me jette dans la cave, tu n'es qu'une poucave. Et ça, même si tu n'as donné qu'un nom. Frère, mon checker c'est ma terre-mère. J'ai grandi dans la douleur, j'en ai vu de toutes les couleurs. Un peu comme la snake à ta mère. La distance entre nos deux carrières, c'est un peu celle de Paris-Dakar. Je préfère être dans le jean et terminer poussière plutôt que de manger 30 années au placard. Je vais pas trop parler, espèce de merde, on t'éteint tout de suite. J'ai braqué Cupidon, j'ai fait le con, mon ex est à ma poursuite. Sache que ton espérance de vie se cache derrière un bout de shit. J'ai des milliers de punchlines et toi tu crois que mon stock s'écoule vite. Les frères Lumière sont de retour, arrivent les vautours, le ciel s'assombrit. Ta carrière se termine, ton prochain studio se trouvera à Roissy. J'espère que mes frères garderont la santé, même ceux en ont pris. Si tu portes l'œil, nique ta tante, tu feras pas le quart, ce qu'on a accompli. Tête à tête, corps à corps, Léonidas, tout ce que je touche devient or. Je suis le roi Midas, si je remets mes requins, mon survêt à Zidice. Je vais te niquer, je vais te niquer, je vais te niquer ta rice. Fuck les lois en vigueur, j'écharcle le videur, grandis près du Lidl, les coups de chlasse, les middle, je veux le bif de Biddle. Berkinapé, Bieber, c'est le press, c'est le press, c'est le press, c'est le beurre. Macron c'est dans son sac Chanel, j'vais moins être au chandon. J'peux pas, j'peux pas, j'sais que j'pourrais jamais changer le monde avec mes chansons. Mon bico, personne y parle avec moi. Mon bico, personne y parle avec. Vote pas là pour participer, mais pour la victoire tu pètes un plomb quand t'entends nos flots qui dire vol. Adal le 25 mars. Le 25 mars dans les bacs partout c'est la guerre. C'est la guerre poto, merde. Saitama. Un nouveau jour se lève sur le rap game. Le 25 mars, merci à vous tous. Les frères et sœurs Lumière, on vous aime. Voilà, merci. Voilà, donc ce morceau à l'instant. Ouais. Les frères Lumière, donc ça annonce du très très lourd le 25 mars. Exactement. Et ça, dis-toi, c'était même pas dans le projet, c'était vraiment une exclu. C'est un cadeau. Ouais, c'est un cadeau. Un cadeau. C'est un cadeau. Pour fêter donc. Pour fêter cette sortie à des années Lumière. Pour fêter cette sortie, exactement. À pas louper. On peut pas annoncer une date sans envoyer un petit cadeau quand même. Ah oui. Et je crois en plus qu'il y a un autre cadeau maintenant, puisqu'il y a session freestyle, les gars. Ah ouais, ce soir on est en mode perdu. Ah ouais. Noël, c'est fini, mais on est là, t'inquiète. Donc, ça, c'est quoi ça? Pareil, un morceau ou c'est plutôt freestyle? On va freestyler un morceau. D'accord. On va freestyler un morceau, c'est ouais, pas mal. C'est ça en live. Toi aussi, t'es assez vif, il se trouve. Prêt? Prêt. Vas-y, on va la sauce. On est chaud, on est chaud. Adal, le 25 mars dans les bacs. On compte sur vous. Yeah. Heislem. Heislem. Yeah. Ils se prennent pour Capone. Moi je compte sur ma poire. Je porte le gilet pare-balles et la capote. Je suis le verbe être et avoir. Heislem. Heislem. Tu croyais que je dormais, sale pute, tu vas avoir l'argent, le pouvoir. Hein? Oh merde, t'as des langues, tu portes le pavoir. J'ai grandi qu'avec des F-Lead, j'mets jamais de vaseline quand j'pèse une femme flingue. Algérien nerveux, si j'gagne pas dans le jeu, j'veux gifler l'arbitre. Amène à boire l'arbin, j'fais dans le business et la zik autour de moi, ça grave. Pétaille, t'as mis du rosé sur mon peignoir en satin. J'veux pas ton pardon, j'veux que tu fasses la bite. Merde! Tu chiales sur ton sort quand t'as plus d'essence ou quand t'as plus de course, un minimum de décence. Hein? On compte pas les litres de sang versé dans la rue depuis l'adolescence. J'ai des couteaux dans le dos. Acupuncture, tu retrouveras nos temps qu'à rêve dans ton vide d'ordure, espèce de poteau. On n'a pas les mêmes ambitions, les mêmes directions, les mêmes négociateurs. Vaut mieux pas qu'on se parle, moi j'éclate ta boule de cristal, enculé d'associateur. Je contrôle la zone, peut-être tu me verras jamais faire un feed avec un pointeur. Adal arrive comme le générique de phare en bas les vos jeux d'acteurs. Le navire accoste et tout, c'est la peur te mène en bateau. Tous unis pour braquer tous ennemis pendant le partage du magot. Rebeu, c'est quoi ton problème? Tu veux mon talent, mon bif et mago. Réussir, j'suis obligado, j'suis obligado, j'suis obligado. What the face? Wesh ma gueule, c'est comment là j'suis dans le secteur. J'vais pas t'offrir d'euros si ta chenègre ressemble à un bouquet de fleurs. Rafale de punchline dans le canon scié, rebeu, j'suis pressé. T'as un cul tellement plat que quand tout le témoin on prend pas de péché. Les gens m'appellent de son prix, elles me disent qu'on les freine. Après chaque prestation, au moins 10 aspects qu'attendent qu'on les ken. Ha! C'est moi le grand frère de Pascal. J'suis plus vraiment un mec droit, pour ça que mes relations ne sont pas stables. Ha! Là j'vais encore rentrer tard. Tu sais pas ce que j'te prépare, j'veux pas que tu m'allumes, j'veux voir ton pétard. Si tu cours après le buzz, ça va choquer que ta carrière se fatigue. J'te fais croire au grand amour, juste après la lune de miel, j'vais t'artir. J'suis que 7-5 en lui-même, en fait j'suis pas un âme dans toute sa grandeur. Dites au prof qui me prête de glandeur que j'fais 10 fois le salaire du proviseur. One punch. Ils veulent qu'on les prenne au mot, ils croient qu'être un tech c'est finir au sol. Ils se prendraient pour des timbrés juste parce qu'ils sont partis braquer la poste. Amine, love with the croco, j'vais me ruiner chez la coste. Harco, baby, oui c'est bien les frères Lumière, on fait fée sur la côte. Préviens tous tes soldats de l'arrivée des frères Lumière, c'est trop tard une fois que le navire accoste. Tu parles derrière, attends que j'te pète plutôt cette amère la pute qui tape dans la coque. Le navire accoste et tous ses rappeurs se mènent en bateau. Tous unis pour braquer tous ennemis pendant le partage du magot. Rebeu, c'est quoi ton problème? Tu veux mon talent, mon pif et mago. Réussir, j'suis obligado, j'suis obligado, j'suis obligado. Merci la famille. Et aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Et ben, ça promet, hein. Ah, on est surentraînés comme des corps d'élite. Ah, vous m'avez l'air bien chaud, les gars. T'inquiète pas, frérot, cette année-là, On va reprendre le pouvoir comme Nicolas. Bon, pour lui, c'est moins sûr. Pour vous, ouais, en tout cas, je vous le souhaite. Pour nous, c'est sûr, t'inquiète. Pour vous, c'est sûr, ce sera le 25 mars. Le 25 mars, on compte sur vous. Là, on va vous balancer que de l'exclu. On va vous envoyer. Ça, c'est rien, les gars. Donc, en gros, pour résumer, là, dans les jours qui viennent, guettez bien. Rappelez les réseaux d'ailleurs pour vous suivre, les gars. Voilà, alors, pour les réseaux sociaux, si vous voulez retrouver Volteface, son Facebook, c'est Volteface. Mon Twitter, c'est Volteface. Mon Insta, c'est Volteface. V-O-L-T-S. Pour ceux qui savent pas. V-O-L-T-S-F-A-C-E. Voilà, V-O-L-T-S-F-A-C-E. Et pour mon Snap, c'est V-Face. Donc Snapchat, c'est V-Face, V-F-A-C-E, simple. Tout simplement. Simple. Très efficace. Voilà. Voilà, et pour me retrouver sur Facebook, c'est Islemsi, H-A-Y-C-E, espace L-E-M-S-I. Islemsi. Et sur Twitter, c'est Ice-Dubal-MC. Et sur Snap, c'est Snapbiko, S-N-A-P-B-I-K-O-W. Voilà, vous pouvez aussi m'avoir sur Insta, IceLMC75, tout collé. Et ben, loupez pas, donc on rappelle, la semaine prochaine c'est la Cigale. Allez récupérer les places, n'hésitez pas dès demain dans les magasins un peu partout. Ouais. Pour passer une bonne soirée. La semaine prochaine, il y aura peut-être l'un ou l'une d'entre vous sur scène avec IceLMC. Voilà. Ça, il faut on juste que... déchirer, kicker, tout défoncer. Ouais. Et envoyer le freestyle à BigLMC, biglemsi@gmail.com. Vous envoyez, vous serez peut-être sur la scène de la Cigale avec IceLMC la semaine prochaine. Meilleur freestyle de ta vie, t'envoie. Merci à vous d'être passé dans cette première nocturne, messieurs. Merci, merci à vous de nous inviter. Merci. Et à puis on attend la suite, donc 25 mars, on a bien noté. Ok. Vous me laissez faire deux, trois petits plaisirs avant de vous quitter ou pas? Bien sûr, aucun souci. Petite sélection histoire de finir. Vas-y, pas de souci. Si ça vous va, la nocturne, Volteface. Et après il y aura un morceau d'IceLMC. Tu sors les classiques. Et après peut-être qu'il y aura un morceau de Volteface à IceLMC pour conclure. Qui sait? Peut-être. Volteface. Ok. À la basse, poteau. La string. Ok. Hey, je voulais me barrer loin comme un astronaute. L'argent m'a dit, je te connais à poteau. Vise à trop haut. En attendant, ça traîne. Souvent en équipe de 4. Ça check et taille les meufs pour un ravant. Guise de chatte. Hein? Ma go fait la pute. Hein? Jouer sa co. Ah les gars, c'est tellement fort que le son a lâché, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors c'est pas grave, c'est quoi? On enchaîne directement sur celui-ci. J'espère que ça va pas me faire la peine. Hein. Et après, on retrouve un morceau de Volteface. C'est le direct, c'est la nocturne. Corner. L'électron libre est de retour dans ce putain de game. Je suis pas un artiste de l'industrie. Je suis un artiste et je suis une industrie. Bitch. Il se fait pas. Je m'exprime au premier degré, je ne laisse ni le blé ni l'amour m'aveugler. Je crois, je rappe pour de vrai, je m'approprie les trophées de force ou de graisse. Ça aime. Tout est millimétré, nos contentieux mènent à biche à Robert de Bray. Manga Blanca. Aucun regret, sauf quand j'aperçois des locaux idolâtrés. La folie des grandeurs va m'avoir à l'usure, ma folie c'est rondeur. L'odeur de la luxe sur 300 000 au compteur, insomnie mon moteur. J'éprouve comme une rancœur, comme mon cœur se fissure. C'est qui tient les ficelles dès l'enfance, mon talent est d'une triste blessure. Y'a du monde à viscérer et des nouvelles recettes, c'est la MS-17 qui te brise le fémur. 20 piges, pieds du mur corner. Cagoulé sur la hornette, cap pétaille dans la corvette. Les rappeurs baillent au corneille. Omerta, silence, honneur. Poukito, je te montre en l'air. L'élite arrive, arrive, allure. J'ai la dalle, je viens du corner. 25 mars, l'insolence est borgne, le silence est bagarre. Le silencieux d'or. De un route d'homme de trahi, pas l'omerta, y'aura pas mort d'homme. Petit, tu te demandes pourquoi les grandes forges à la loi du plus fort. La rue n'est pas un jeu, tout le monde n'a pas ton âge. Et des gens vont plonger si tu perds tes couilles à ne pas du coffre fort. Je rappe ce que j'ai souffert toute ma life. La vingtaine, pas d'enfant, pas de wife. Toute la night, paranoïaque, schizophrène, insomniaque, vide ma rise. Pique, je suis sur le corner. Corner. Pique, je suis sur la hornette. Hornette. Arme serre sur tes pommettes. Pommettes. Pique, je suis sur tes côtelettes. Côtelettes. Pique, je suis sur le corner. Corner. Pique, je suis sur la hornette. Hornette. Arme serre sur tes pommettes. Pommettes. Pique, je suis sur tes côtelettes. Côtelettes. Elle veut pas toi, Pico, c'est ma bitch. Elle veut pas toi, Pico, c'est ma bitch. Bitch, bitch. Je crois qu'elle cherche un homme riche. Elle aura cloté, une taille, un sandwich. Y'a de la poudre dans l'air, tout le corner à terre, commission rogatoire. Pico non mandataire, disent avoir aperçu Belphégor au parloir. J'investis dans la pierre, le sang coule dans les rues, sort l'oseille du tiroir. Elle arrive de Tijuana, je pisse du rosé pour marquer mon territoire. L'argent fait le bonheur, les yachts et la haute couture, le monde est à nous. Passe au corner avec mes dollars, tu veux pas, j'te hagar au hanout. Si la ture préméditée sous les gouffres de l'aurore, loin des pays parfumés que le soleil caresse. À la recherche d'une identité, d'une arme de l'Est, on a l'essence éveillée, mais l'oseille n'est reste. J'ai toujours les mêmes sa bitune sur le bitume, bico, oui, sa titule. La rouge écrit ce texte, la digne roule une tulipe, mais j'ignore encore comment l'album s'intitule. Titule, je n'ai qu'une parole, je suis formel. Car le corner m'a formé. 7-5 squats dans tes oreilles. Paraître comme des cornets. Respecte les seigneurs, l'insolence est borgne, le silence est d'or, car le silencieux dort. Respecte les seigneurs. Dehors ou dedans, de trahir pas l'omerta, y'aura pas mort d'homme. Petit, tu te demandes pourquoi les grandes forges à la loi du plus fort. La rue n'est pas un jeu, tout le monde n'a pas ton âge, et des gens vont plonger. Si tu perds tes couilles à ne pas, tu t'en fous. Je rase que j'ai sous vers toute ma life. La vingtaine, pas d'enfant, pas de wife. Non. Je prends le micro toute la night. Paranoïaque, schizophrène, insomniaque, vide ma life. Pique, je suis sur le corner. Corner. Pique, je suis sur la hornet. Hornet. Arme serre sur tes paumettes. Pique, je suis sur tes côtelettes. Côtelettes. Pique, je suis sur le corner. Corner. Pique, je suis sur la hornet. Hornet. Arme serre sur tes paumettes. Paumettes. Pique, je suis sur tes côtelettes. Côtelettes. Pas toi, pique, c'est ma bitch. Bitch. Pas toi, pique, c'est ma bitch. Bitch. Je crois qu'elle cherche un homme riche. Elle aura cloté, une paye, un sandwich. Qu'à toi, tu ringues négo. Fleur panée, MD, c'est la bédo. Détaillé, 96-0 dépôt. Déterré, liasse de billets dans les couilles. Feuille encouraillée, néaner dans le frigo. Mes oranées, mes algérois, dégo. Mes négros de l'année, elle est fragile, réseau. De fou allié, le type petit, tu veux mentir, va défourailler. Je suis sur le corner. Corner. Adal, Adal. 25 mars dans les bacs. Adal, à des années-lumière de toi, connard. Tu connais ça avec ta main, toi? Hein? Volte face, peur de personne. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Classique. On est là. Les frères Lumière. Eh, tous ceux qui connaissent, dans tous vos bendos. Sur Sky, c'est quoi le délire là? Okay. Yeah. Hey, je voulais me barrer loin comme un astronaute. L'argent m'a dit, je te connais à poteau. Vise à trop haut. En attendant, ça traîne. Souvent en équipe de 4. Ça check et taille les meufs. Quoi, avant guise de chat. Ma go fait la pute. Pute. Elle veut jouer sa coquine. Cute. Moi j'irai droit au but. Moi j'irai gérer sa copine. J'ai pas de bif pour elle et je trouve ça agréable. Quand elle me demande du blé, je lui donne des céréales. Bah ouais, elle en a hap. Et moi c'est la même. Si le savoir est une arme, vieux, je crois que je suis dans la merde. Bah ouais, je viens du 7D, j'ai grandi dans la Zermi. Là où pour du cash, ton meilleur pote devient ton ennemi. Cherché par les keufs parce qu'on les baisse de trop. Aïe, ça faille peut ton fond avec cette vitesse de flow. Le présent est dur, merde. Mais l'avenir est croquant. Je te parle pas de vidéo quand je dis que j'ai un gros plan. Et je fais mes bails, donc je rentre tard à la maison. Ma daronne, c'est tout pour moi quand elle a tort, elle a raison. Et un conseil. Test app ma clique, l'amour m'a étouffé, mes relations sont asthmatiques. Paraît que tu lâches des bastos à chaque freestyle. C'est bizarre, je t'écoute, mais j'ai toujours pas pris de balle. Wesh, dis à tes potes que je suis dans le business, y'a pas le choix. C'est soit ils la ferment, soit ils me testent, mais je bougerai pas. Moi je suis vicieux et sourd, moi je suis sûr de moi. Est-ce que tu veux savoir pourquoi? Parce que j'ai peur de personne. Peur de personne, moi j'ai peur de personne. Peur de personne, moi j'ai peur de personne. Peur de personne, moi j'ai peur de personne. Okay. Peur de personne. A l'école c'était la merde, je traînais pour aller pêcher. Les keufs essayaient de nous laver, je passais mes journées à sécher. Négro, ça vient de Paname, je passe mes nuits à l'hôpital. J'écris des trucs de malade. Quand je suis perdu dans ma tête, je prie ou bien je me balade. Ouais, je fais des livres qui parlent de bouffe, faut raconter tous des salades. Ice te met à la page. Dis ton marchand de sable d'aller chercher du taf à la plage. Le sexe m'apporte peu, j'ai du bif que pour la mif. Ça joue les durs à cuire, mais ça met ses potes au feu. J'ai arrêté l'école, j'ai déconné. Les meufs, c'est comme les paroles carrées que je chante. C'est jamais les bonnes. J'ai trop donné, je vais avancer, je compte pas rester bané. Mon avenir est comme ma coupe, en gros il est dégradé. Elles jouent les chaudes, elles ont la fouf toute chiffrée. Même en mon voyant, on peut voir qu'on va tous vous gifler. Ça vient de Paname, je représente car c'est la dèche. M'entraîne à place et des bananes. Toi tu peux garder la pêche, l'amour c'est de la merde. Cupidon n'existe plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? À part que c'était un fils de pute. Wesh, dis à tes potes que je suis dans le business. Y'a pas le choix. C'est soit ils se la ferment, soit ils me testent. Mais je bougerai pas. Moi je suis vicieux et sourd, moi je suis sûr de moi. Est-ce que tu veux savoir pourquoi? Parce que j'ai peur de personne. Peur de personne, moi j'ai peur de personne. Peur de personne, gros j'ai peur de personne. Peur de personne, moi j'ai mars, peur de personne. Peur de personne. Le 25 mars, Rebeu, Adal, va le chercher. Le 25 mars, c'est la guerre. Merde. Adal, enfoiré, à des années-lumière. Va le chercher, on vient de chercher vous. Planète rap, 100% rap français. Un petit dernier pour la route. Ah, la faire lumière. Oh yo, oh yo, l'ombre à la lumière. La base, mon pote. le 25 mars, dans le bac, à Dal. Hein? Ils sont pas prêts, je crois. Hein? Nique ces rappeurs de merde, ces rappeurs entrés par piston. Y'a de la taille de mes cernes, quand je croise Morphée, je l'appelle fiston. En fuite avec une arme serbe, les faux, les vrais qu'ils sont. Maman, je veux pas que tes yeux se ferment, un jour nos proches nous quitteront. À l'ancienne, ça me négligeait, on me prenait pour un baiser. Maintenant, je sers des bastos, soit tu sers des meufs flinguées. Je tente ma chance comme au TRC, j'ai que des frères, j'ai pas de sauce. À chaque fois que j'aime quelqu'un, mon cœur vient braquer ma fierté. Donne-moi du pif, donne-moi mon avance, on vous chiffre. Bande à taille, on a freestyle à Sky, on a mis d'accord toute la France. On traîne en bas, même quand ça caille. C'est Paname qui mène la danse. Faudrait que j'aille à Phuket pour trouver un rappeur de taille. Allez vous faire enculer, vous allez partir en fumée. Maintenant que vous voyez qui nous sommes, vous voulez nous calculer. Il va falloir assumer, ferme ta gueule et t'excuse. On s'est appelé les frères Lumière parce qu'on vous chiffre depuis des lustres. Lumière, mon frère, j'ai vu nos étoiles éliminer tout le système lunaire. L'enfer, t'es de mettre à poil. J'ai mal fait six pieds sous terre, en guerre dans la vendetta. Révolutionnaire quand les frères Lumière opèrent, c'est le coup d'état. Wesh les haines, ne cliquez pas, voilà qu'on va vous faire paniquer. On taffe pas dans le cinéma, pourtant on a des plans de qualité. Alors ferme ta gueule et apprécie, ferme ta gueule et apprécie. Désarmé ce game de merde, résume à volte face à SNMC. Le route, c'est une la luxure, les trous dans ma paire de air structure. Malgré mon mental indestructible, trop petit pour accepter la rupture. Tellement de temps perdu sur le terre-terre, la drogue dure, le choc des cultures. Je n'ai que de la hargne dans les artères, maudit soit le père Noël, c'est qu'une ordure. Je mets le voile à vive allure fidèle à mes rats. Des goûts qui me couvrent la nouche, me rate. Farabellum par balle dans le Panamera. J'ai giflé le genou de ton boumarat. Tu vas faire quoi? Passe de l'ombre à la lumière, vice versa. Si je pose mon arme à terre, celle de mon frère est dirigée vers toi. Sur missile fixe durant quelques temps, je me demande où était ce rabat qui aujourd'hui me côtoie pour l'argent. J'aurais peut-être demain si je ne m'égare pas. Quand Sine est parti, j'ai failli mal tourner. Les meilleurs nous quittent, les putes ne partent pas. Tous sous des pots, bicra vous braquer. Chacun pour ça, pour l'heure du partage. Je prends la fuite avant le palpage. On n'a pas le time, arrête ton bar atteint. T'étais pas là quand les frères lumière se faisaient soulever vers 6h du matin. J'ai trop souffert, rien de matin. Refais mon parcours, je te laisse matin. Nous n'avons que de la mélancolie dans les veines et de la haine à dissimuler. Ça on passe de l'ombre à la lumière. J'ai vu nos étoiles éliminer tout le système lunaire. Nos fierté de mettre à poil, je ne m'arrête avec six pieds sous terre. En guerre dans la vendetta révolutionnaire. Quand les frères Lumière opèrent, c'est le coup d'état. C'est le frère Lumière. Wesh les haines, ne cliquez pas, voilà qu'on va vous faire paniquer. On taffe pas dans le cinéma, pourtant on a des plans de qualité. Alors ferme ta gueule et apprécie. Ferme ta gueule et apprécie. Désarmé ce qu'elle te merde, résume avant de te fâcher. J'attends pas qu'on m'importe ta graille, ils sont gravement jaloux que je monte en grade. En fait sur le trocage, c'est qu'elles veulent plus qu'un autographe. Le game a besoin de se faire mitrailler. Les dernières années furent trop calmes. Mr. Vidal, au cas tu grimpes, index, il succès te monte au crâne quand tu goûtes au Graal. Allez, ferme ta gueule, apprécie le flow. Je suis pisté par la liste, po. Je kick même sur de la disco. Je peux michetonner une michto. Regarde ce que mon équipe vaut. Je suis pas de ceux qui en disent trop. Putain, si tu veux maquiller, attends, je regarde si elle est dispo. Je fous le bordel comme un Boracat, bitch. Je me porte pas la haine, j'ai la baraka. Je mets la France hors d'elle, je sors des marécages, bitch. On passe du corner à Malaga, bitch. Moi, j'attends pas que c'est foutu, m'estime. Je rends les coups comme la Palestine. J'ai cette constante envie d'investir l'instru, j'ai le chic pour varier les styles. Allez, je sais pas, tu veux quoi? Ferme la gaspille pas ta salive. J'ai plus de meufs à l'heure où je parle que t'as eu d'ex dans ta vie. Armé d'un chlasse d'Akanif, t'enterres le jour de ton anif. Bébé, j'étais déjà dans le futur avant de vous varier. On va à la lumière, mon frère, j'ai vu nos étoiles éliminer tout le système lunaire. Nos fierté de mettre à poil, je ne m'arrête avec six pieds sous terre. En guerre, dans la vendetta révolutionnaire. Quand les frères Lumière opèrent, c'est le coup d'état. C'est le frère Lumière. Ouais, j'ai aimé, ne cliquez pas, voilà qu'on va vous faire paniquer. On taffe pas dans le cinéma, pourtant on a des plans de qualité. Alors ferme ta gueule et apprécie. Ferme ta gueule et apprécie. Désarmé ce game de merde, résume avant de te faire ça, SNMC. Le 25 mars. Éloignez vos mères des spots. Adal. Éloignez vos mères des spots. On arrive. Voilà les frères Lumière, éloignez vos mères des spots. Voilà les frères. Ah là, c'était mes petits plaisirs à moi, je suis désolé. Ah, ça fait plaisir. Je pouvais pas vous laisser partir sans finir là-dessus. T'es un bon, t'es un bon. Merci à vous, Ice, merci Volteface. Merci. Écoute, une dernière chose. Vas-y, je voudrais quand même remercier les gens avec qui on a travaillé sur ce projet. Parce qu'on a beaucoup travaillé. Voilà, on n'a pas dormi. C'était une dinguerie, tu vois. On s'est bousillé la santé. C'était long, mais c'était bien. Et voilà, pour les beatmakers, pour aussi les réalisateurs de clips, etc. Voilà, je trouve que c'est important aussi de remercier parce exactement. Que le rappeur, il fait pas la musique tout seul. Très bonne idée. Et il se clip pas tout seul, tu vois. Donc, grosse dédicace déjà à Dreamcut et Wisla, méga sûr, qui sont avec nous depuis le début. Voilà, une grosse dédicace à Dawid et Adèle qui étaient avec nous sur ce projet. Pour les beatmakers aussi à ETMG, toute l'équipe ETMG, Chris, Pyroman, Joe Rafa, Chapeau, Rija. Grosse dédicace à Hanson pour le stylisme. Je voulais aussi passer un big up à Will Star, à Richie Beat et à Snatch. Voilà, merci myself les frères. Aussi, hein, c'est merde. Myself, aussi à Ben. Voilà, pour les clippers, merci à Bastos, bien sûr, le gars sûr.

mes excès. J'échoue, mais j'essaie. L'humilité et l'orgueil, le tout dans un même homme. La folie et la raison, le tout dans un seul homme. Tu peux trouver une faille en moi parce que je suis qu'un homme. Vaincra la vérité, ce même si tu la déformes. Depuis que je rappe ma voix, je sais que je rappe sur des bouts de verre. Je rappe tellement sous tension, mon frère, je rappe des ulcères. Je rappe hardcore, cru, sans être vulgaire. Mon rap, c'est une mise à nu, moi je rappe à découvert. Je rappe sincèrement, personne ne peut le nier. À chacun de mes albums, j'espère que c'est le dernier. J'espère que ce sera le dernier, mais mon pote, tu vas attendre. C'est à moi d'en décider, le 9-4 ne compte pas se rendre. Voilà un autre classique, soutenu par la rue. Les poings levés, les bras tendus, c'est tendu, mais le combat continue. Le son le plus attendu, surtout en période tendue. C'est le son du 9-4, évite les coups tordus. J'ai grandi 9-4, j'évite les pièges tendus. C'est le son du 9-4 qui coule quand c'est le tendu. Respect, si t'es avec nous, t'as le bras tendu. Le combat continue contre les jaloux et les vendus. Contre les envieux et les tordus. Depuis le temps que j'suis tordu, MC, je sais que le silence n'est pas un oubli. Le son le plus attendu, surtout en période tendue. C'est le son du 9-4, évite les coups tordus. J'ai grandi 9-4, j'évite les pièges tendus. Et c'est le son du 9-4 qui coule quand c'est le tendu. Respect, si t'es avec nous, t'as le bras tendu. Le combat continue contre les jaloux et les vendus. Contre les envieux et les tordus. Depuis le temps que j'suis tordu, MC, sais-tu que le silence n'est pas un oubli. Danger imminent, danger constant. Qu'en est-on ni dérigeant. Prenez position de combat. Danger imminent, danger constant. Qu'en est-on, j'suis ton ressent. J't'ai vendu la main, t'as voulu me bouffer le bras. Avec ce son, j'veux me montrer sur le ring. Billard, en train de texte à corne. Ça fait 16 ans, ça déchire le micro. Contrôle les constats, l'origine au kéri. Ne rappe comme personne. Planète Rap 100% Explicit Lyrics. C'est Mac Tailleur dans la Nocturne, 100% rap français. Nouveau son de Mac Tailleur. Toujours au quartier, mais je me fais secret au quartier. Les frérots que je porte dans mon cœur, je ne les aime pas qu'à moitié. Très jeune, j'ai fait briller la scie. Sorti, j'ai su refermer la assez. Me refaire pour me remettre le bracelet. 93, la récidive du hustler. Les fils de pute me portent leur attention. Ils pensent à moi comme si j'ai pris des millions. Le week-end, je vais pas 5 balles dans une location. C'est pour les arrivistes qui cherchent l'admiration. Appuie sur la pédale, accélération. À chaque action, j'ai une mauvaise réaction. Devant un tas de bifetons, j'ai des palpitations. Des pales copies de moi dans vos compilations. En ce moment que des arrestations. Au quartier c'est mort, y'a plus d'animation. Moi je n'aime rien de toi sauf ta fellation. On a combattu la haine dans la condamnation. La trentaine mais j'ai plus la niaque à petit de 20 piges. À ta première perte ou ta première peine t'as déjà le vertige. On t'occulte à madré quoi. Tu veux faire le padré, ouais. Tu es titulaire, tu sais même pas faire un petit cadré. Le général en mode de tu bol comme d'hab. Ta voiture pas ramener la drogue si t'as pas les contacts. On a compris qu'il fallait qu'on prenne l'oseille et qu'on parte. Sombre et ténébreux comme le discours de Rorschach. Coroner sous la bleuta. Malchance veut me tripoter, mais j'ai ligoté. Elle pensait que je chipotais comme pour aller voter. Je chinais des vélos à l'époque du chimichimio. Y'a pas que les bols qui tuent, demande à la chimio. Problème d'alcool, toi tu coules, bouteille reste à la surface. J'en ai trop fait noyer leur chagrin dans des parts de Bilka. Je fais mon manoir à ma short top au Doberman. J'ai la carrière qui passe de 0 à 100 même sur du verglas. Les brunes, les blondes préfèrent le double 07. Sans respect, la DBD se retrouve dans la rivière. Entouré de mes frères, entouré de la verte. N'oublie jamais le combat que tu mènes, même s'il te mène à ta perte. Nos quartiers sont plus violents que la favela. Nos quartiers sont plus violents que la favela. Nos quartiers sont plus violents que la favela. J'tends mon son prix, j'vois mon petit ref. Il me demande qu'est-ce que tu fais là. J'lui dis que j'voulais remonter en Porsche volé de Marbella. J'lui dis que j'voulais remonter en Porsche volé de Marbella. quartiers sont plus violents que la favela. Au moins là-bas j'ai plus ces rebelles-là. Nos quartiers sont plus violents que la favela. Nos quartiers sont plus violents que la favela. Nos quartiers sont plus violents que la favela. Je dois mon zombie, je vois mon petit ref. Il me demande qu'est-ce que tu fais là. Je lui dis que je vais les remonter en Porsche volé de Marbella. Je lui dis que je vais les remonter en Porsche volé de Marbella. Nos quartiers sont plus violents que la favela. Au moins là-bas j'ai plus ces rebelles-là. C'est la nocturne 100% rap français, Mac Taylor. Untouchable. À l'instant, la nocturne 100% rap français, ça continue avec un gars qui vient de Nantes fort. FK tout de suite dans la nocturne. Je le sais, je le sens. 100% rap français, planète. La nocturne. Y'aura pas de reprise de la première prise, c'est la rupture figée. Les fils qui se touchent, on pète un câble. On aime les filles qui se touchent pour pas cher comme la cam. Je le sais, je le sens, ils me craignent, je les fends. Mon gars, brouté dans le sang pour les rincer. Y'a rien de mieux qu'une trompe d'éléphant. La rosée du matin tombe avant le bol d'air, les tétés. Tout ce que les gens pourront faire, c'est te regarder caner comme si t'étais Voltaire. Y'a ce qu'on dit, y'a ce qu'on fait, même dis pas ce que l'on fait. Je le sais, je le sens, j'ai le moi, j'ai le cran. Pour me voir en peinture, ils attendent de voir mon corps à la craie. Je les baisse fort, fort, fort, fort. Puis on part mort à l'après. Soit ce que je trinquerai une bonne mort à nos traits. Ouais. Ça sert à quoi d'avoir des yeux dans le dos si t'as une bouche à l'arrêt. Quand tu touches, ça reclaire. Qui marque le score ou les plaies. Je le sais, je le sens, parano ou le flair. Ou le flair, ou le flair. Mes vieux démons m'habitent ou m'habitent, t'as ces vieux démons, non. Qu'on m'entende ou qu'on me pardonne, faut que je fasse des montants. Ce qui me tue, c'est pas l'argent, mais le manque, non. Je le sais, je la sens, la patate sans la prendre. Je le sais, je le sens. Je le sais, je le sens. Je le sais, je le sens. Je le sais, je le sens. Je le sais, je le sens. Je le sais, je le sens. Je le sais, je le sens. Je le sais, je le sens. Je suis le détail, je tue. Moi quand tu fais un tabac le temps d'une lamelle. Je le sais, je le sens. L'odeur plus forte que la vie. Si je rappe du nez, c'est que le reste plus la merde. Oui. J'aime tellement l'état. Je n'ai pas les mots, je n'ai que des insultes. Regarde ce qui m'entend, ce qui me bute. Je grandis, je me rends compte que oui, ça me rend compte par un culte. L'or sur la ceinture, les odeurs derrière voient le dos et d'argent comme le cori. Je le sais, je le tends. Mon doigt, pas ma main, je suis là pour striker, pas pour astiquer les quilles. Je le sais, je le sens. Mettre l'or dans ton vin, j'ai de la vodka t'en sens. Je suis aussi subtil que ma piste dans un fond de pierre. Or nord mortant, c'est pour les hommes les frontières. J'ai galéré le soir, le détail tient chaud. Quand les coraux sont maintenus par le gel. Pour un pot de chaud, je tourne la tête par ma veste. Je les baisse au sens propre, figuré par le geste. Cherche à me faire aimer personne tant que je trouve ceux qui me détestent. Je m'en bats les couilles, même si c'est une montagne, on va se croiser. Ce qui me fait peur, c'est que et pas les Brest. Pas les Brest, pas les Brest. Mes vieux démons m'habitent ou m'habitent, t'as ces vieux démons, non. Qu'on m'entende ou qu'on me pardonne, faut que je fasse des montants. Ce qui me tue, c'est pas l'argent, mais le manque, non. Je le sais, je la sens, la patate sans la prendre. Je le sais, je le sens. Je le sais, je le sens. Je le sais, je le sens. Je le sais, je le sens. Je le sais, je le sens. Je le sais, je le sens. Je le sais, je le sens. Je le sais, je le sens. Je le sais, je le sens. Bogo. Bogo. Planète rap. 100% rap français. Hey. Yeah. Pour la nuit, la la vie d'un parigo. Je traverse le temps avec mes amigos. Mes yeux brillent comme de gros lingots. Comme les machines à sous du casino. Paris la nuit, très peu d'amis. Dans les business parallèles, on fait du mal à l'économie. Je fais des tours de périph pour tuer l'insomnie. Chez Walter White, j'ai pris des cours de chimie. Politiciens, citoyens, tous coupables. T'as mangé le pain des autres, faut nettoyer la table. La nuit, je sors du tunnel, je sors de ma ruelle. Chez nous, une femme, plus elle est belle, plus elle est cruelle. Tape la somme de ton bonheur sur une calculette. Avec les rats d'égout, j'ai partagé mon assiette. J'ai besoin de peu, un petit matelas sur le sol, un frigo qui fonctionne. Faut que je retourne à l'école. J'roule la nuit, la vie d'un parigo. Traverse le temps avec mes amigos. Mes yeux brillent comme de gros lingots. Comme les machines à sous du casino. J'roule la nuit, la vie d'un parigo. J'traverse le temps avec mes amigos. Mes yeux brillent comme de gros lingots. Les machines à sous du casino. Tu parles de l'état du monde, mais dis-moi toi l'es-tu? C'est dur de penser aux autres, surtout quand tu dois les thunes. On fait les classiques, toi les cubes, t'inquiète pas, le respect me pousse. Quand c'était la merde, on est resté debout comme dans les toilettes turques. Mais ces rappeurs pleins d'idi aussi font pipi assis. Tu sais les miens bipi aussi, élevés sous des pluies acides. Eh hey, nique-toi, qu'est-ce que tu connais de notre histoire? Pour avoir autant la haine, tu dois être triste toi. Pas là pour t'épater, sincérité. Le mot d'ordre est si on débattait, sans s'irriter. Le feu d'Osiris dans nos iris. Ça nous irrite, meurtre en série. Et je me demande pourquoi Siri me répond pas sur la Syrie. Faut que tu réalises comme Sirine. Dès le départ les dés sont pipés. Rien à cirer sauf mes pompes et la page continue de s'imbiber. Les artistes ça devient rare, on verra ce que ça donnera. Nous, on s'adonne au rap et tout ce que ça donne au rap. Nous, j'roule la nuit, la vie d'un parigo. Traverse le temps avec mes amigos. Mes yeux brillent comme de gros lingots. Comme les machines à sous du casino. J'roule la nuit, la vie d'un parigo. Traverse le temps avec mes amigos. Mes yeux brillent comme de gros lingots. Comme les machines à sous du casino. À ma fille Doug, j'fais une dédicace. J'roule la nuit, j'fume la médicale. J'ai touché le ciel, j'ai touché les étoiles. Sur le micro, mes empreintes digitales. À ma fille Doug, j'fais une dédicace. J'roule la nuit, j'fume la médicale. J'ai touché le ciel, j'ai touché les étoiles. Sur le micro, mes empreintes digitales. J'roule la nuit, la vie d'un parigo. Traverse le temps avec mes amigos. Mes yeux brillent comme de gros lingots. Comme les machines à sous du casino. J'roule la nuit, la vie d'un parigo. J'traverse le temps avec mes amigos. Mes yeux brillent comme de gros lingots. Comme les machines à sous du casino. J'roule la nuit, la vie d'un parigo. Traverse le temps avec mes amigos. Mes yeux brillent comme de gros lingots. Machine à sous du casino. J'roule la nuit, la vie d'un parigo. J'traverse le temps avec mes amigos. Mes yeux brillent comme de gros lingots. Comme les machines à sous du casino. Rimka, Nekfeu dans la nocturne, 100% rap français. Planète Rap, 100% rap français. Ça arrive aujourd'hui, nouveau son de la MZ. Le titre, c'est Superman dans la nocturne. Eh bien, bravo, vous allez en avoir l'occasion. Hein ? Je te parle de Zik, tu me parles du job. T'as bois comme un pic, j'en bois du job. Tu veux un film ? Hein, faut que tu racontes, fais pas la maligne quand on pue de la chatte. J'suis dans le check, oui j'me la pète. Tout le monde me guette, on m'en 22. Soit l'argent de la street, soit l'argent de la zik. On m'a dit choisis, j'veux les deux. Mande à Blackie, qui a chargé les Loki. 120 tranquille, tu leur poteau jeep. Qui se pas 20 ans carré vite. Sûrement pas leur kit, rempli de plaquettes. Et t'es la bande, real par contre tous ces rappeurs qui manquent. On aime trop les billets des banques. J'habite à Paris, crois-moi que c'est pas les Yankees qui manquent. Les gros chutes dans la street avec Davidson. J'ai du bon shit, donc le portable sonne. J'suis légendaire, un peu comme Jackson. Ces rappeurs me font rire, un peu comme Patson. Tu me verras jamais dans les partous. Ces suceurs de beats me foutent grave les nerfs. Si j'étais blanc, j'serais partout. Si j'étais au steak, j'serais millionnaire. J'me sens, j'me sens. Je me sens super léger. J'suis plus fort que Superman. J'suis plus fort que Superman. J'suis plus fort que Superman. J'suis plus fort que Superman. J'bouge comme un légendaire. Et mes gars bougent comme des légendaires. Et ma billette bouge comme une légendaire. Et tous ces si on bouge comme des légendaires. Je me sens super léger. Je me sens super léger. J'aime quand elle m'accueille, les jambes en l'air, acrobat droit au but. Elle m'appelle Jean-Pierre. Quand j'opère, elle coopère. Elle vire ses colocataires, on a boogie woogie avant de faire notre prière. Sur du Eddie Mitchell en fumant de la BR. Elle a tellement mouillé qu'elle sortit la serpillière. La scène fut légendaire. Je rends mes négros fiers. Je n'ai rien à perdre comme un légionnaire. Je me sens comme Superman. Je viens pour sauver le rap game. Je fais rien d'exemplaire, je suis bien le fils de mon père. Ne me compare pas à ces rappeurs de merde. Je n'ai rien d'ordinaire. Négro, je suis légendaire. Je me sens super léger. Je me sens super léger. Je suis plus fort que Superman. Je bouge comme un légendaire. Et mes gars bougent comme des légendaires. Et ma billage bouge comme une légendaire. Et tous ces chants bougent comme des légendaires. Je me sens super léger. Négro, j'ai baptisé du hop, hop, je me ramène les hip-hop, vois son papa. Check, tu me vois comme si j'étais pas vrai. Mes défauts me vont tellement bien que je suis parfait, mec. Pour des femelles, si tu veux me faire la guerre, je te fais l'amour. Pour des lamelles, si tu fais le casper, gros, je te mets l'amende. Moi, je fais ça comme personne, toi, tu fais comme moi. Putain, c'est rempli d'enfoirés de Pokémon. J'suis trop flé qu'on sache, d'accord. Dans ma pape, bien tapé quand j'étais gosse, hein. J'nique tout comme Dark Vador, j'la pêche, la mitraille comme ma peur, l'arbre, hein. J'ai l'œil comme Albator, frappe dans la lucarne, le client est d'accord, hein. Smoke ça comme Doggy. Donc aujourd'hui je suis capable de niquer au vol comme un. Je me sens super léger. Je me sens super léger. Je suis plus fort que Superman. Je bouge comme un légendaire. Et mes gars bougent comme des légendaires. Et ma billage bouge comme une légendaire. Et tous ces chants bougent comme des légendaires. La Nocturne MZ, nouveau son Superman. Alpha One, c'est sorti. Al Florence, c'est dans les bacs, on écoute un morceau lunettes noires. 100%. Planète Rap. Arrive du son Bilal aussi. Damso, Mala, SCH. C'est la Nocturne. Pour plus être locataire, on fait les bails. Avec la précision d'un tailleur. La maille dans l'esprit, l'esprit dans la maille. Ça parle d'as, cash, football. Jeune entrepreneur, hood boy. Bats-toi pour ton assiette, y'a pas de coup de bol. Le rap, c'est mon air de jeu, j'ai le tonnerre de Zeus. La dame de la chance a écarté les jambes. J'ai pas encore mis ma teub, mais j'ai pu mettre le doigt. Mets tes lunettes noires, ne viens pas dans l'aquarium où la fumée te noie. Je me fous que des putes crient mon nom. On bosse pour le billet, ça compte pas pour briller. J'ai même surpris mon ombre, Val et puis esprit noir. Pour cette époque qui te glace le ventre, aujourd'hui les armes et les âmes se vendent à des prix dérisoires. Hein? Pour plus être locataire, on fait les bails. Avec la précision d'un tailleur. La maille dans l'esprit, l'esprit dans la maille. On fait violet sur les lunettes noires. Je suis mon meilleur sauce, compte que sur mes doigts. Y'a que ma monnaie qui assure mes droits. On est l'université, une étoile. Tout le monde fait la même taille, vue des toits. Je suis mon meilleur sauce, compte que sur mes doigts. Y'a que ma monnaie qui assure mes droits. On est l'université, une étoile. Tout le monde fait la même taille, vue des toits. Pour plus être locataire, on fait les bails. Avec la précision d'un tailleur. La maille dans l'esprit, l'esprit dans la maille. On fait violet sur les lunettes noires. Fuck in your face, c'est les stars qui nous stressent. Cousin c'est le 7-5 gros, on est très synchro. Bouge à 4 ou 5 dans une caisse, t'es mort si tu pèses pas. Ta meuf veut nous caisse moi, je vais lui mettre ma. Tu crois connaître ma vie, tu ne sais pas. J'ai le poids d'une quête plate dans ma parc à Black North Bay. Je vais ouvrir ma window sur LA, Dakar d'ici. Dans tous les 4 allons d'ici, 4 boards dans une piscine. Pas de fun, on est busy, CC1 faire du whisky. Une bécane, un brolique, une vengeance est faite sans se soucier du malheur qu'elle cause. Demande aux malades, aux drogués, aux dealers de chez moi quelle est la valeur d'une dose. Nous ne sommes pas du genre à parler pour rien, avoir des dettes au point qu'il en pleuve. Nous sommes le genre de personnes qui sont rémunérées pour foutre leur putain de yap en club. La maille dans l'esprit, l'esprit dans la maille. Nous sommes le genre de personnes qui sont rémunérées pour foutre leur putain de yap en club. Je suis mon meilleur sauce, compte que sur mes doigts. Y'a que ma monnaie qui assure mes droits. On est l'université, une étoile. Tout le monde fait la même taille, vue des toits. Je suis mon meilleur sauce, compte que sur mes doigts. Y'a que ma monnaie qui assure mes droits. On est l'université, une étoile. Tout le monde fait la même taille, vue des toits. Motherfuck in your face. Trop de bails qui nous stressent. 7-5 boys, que le sexe c'est un bol. Bouge à 4 ou 5 dans une caisse. Choisis bien ta meuf ou ses frères te balafent. Trêve de palabres, on est la crème de Paname. Là où la mauvaise graine traîne et applique la règle de Calab. Si le trait se balade, qui a fixé les ordres et matrixé les hommes. Tu cherches un flingue, va en Afrique, c'est les soldes. On fume des trucs qui font quitter les sols. Fais tirer flingue S comme un Smith et Wessage. Je fais mes propres cascades comme Jackie Chan. Elles veulent aguicher quand j'ai acquis le chèque. Surpasse les si y'en a qui tiennent. C'est un acquis chain, papi. Je suis mon meilleur sauce, compte que sur mes doigts. Y'a que ma monnaie qui assure mes droits. On est l'université, une étoile. Tout le monde fait la même taille, vue des toits. Je suis mon meilleur sauce, compte que sur mes doigts. Y'a que ma monnaie qui assure mes droits. On est l'université, une étoile. Tout le monde fait la même taille, vue des toits. Pour plus être locataire, on fait les bails. Avec la précision d'un tailleur. La maille dans l'esprit, l'esprit dans la maille. Reflet violet sur les lunettes noires. Rap français, planète rap. La nocturne. On reconnaît les babous, on reconnaît les bâtards qui partent par intérêt. On paraît tout penser de terre, après des masses, il est tout terrain. Qui veut la bagarre? On vit ta tenue, mon gars, place au combat. On chipote pas, tu payes en test. Mon bon qui va gérer mes peines. Et moi, j'ai ça, tu prends les mecs de la heure. Je pense de mon délai, c'est pas si t'as vu. Hey mon ami, c'est bon l'enfant à qui fait bouger ta vie. Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Nantes, Paris, Mali. Faut que les jalousies m'en va vite. À 11h, je vis ça à Barbe. Gardez, appétit, parce que par j'ai la boule à du Brésil. Imbécile, veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gardez, appétit, gardez, appétit, appétit. Gardez, appétit. Tout ça n'est qu'éphémère, pas les prix si je te plais pas. Me mépriser mes gars, faut me prévac. Ça me fait bizarre quand je vois les gens danser sur la moula. Ouais, est-ce que mec, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris du galon depuis la partie 1. Bon, j'ai pas quitté le checks, la rue, la vraie. Après, tu la connais pas la porte claire. On se tue l'air, que c'est moi qui le brasse. Tu parles, tu parles, on sait que tu ne brasses pas. J'ai plus cellulaire quand la ligne est restreinte. Gardez, appétit, quand je veux pas jouer la moula du Brésil. Imbécile, je veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gardez, appétit, gardez, appétit, appétit. Gardez, appétit, gardez, appétit, appétit. Gardez, appétit, quand je veux pas jouer la moula du Brésil. Imbécile, je veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gardez, appétit, gardez, appétit, appétit. Gardez, appétit. Rap français. Damso et Débrouillard dans la nocturne. Son de Bilal Valbuena, ça arrive aussi après. Hier, t'es dans le cas, c'est vraiment autre univers. Ok, demandez pas ce que je fais dans la vie. J'suis fonce derrière avec 2-3 youvois du quartier, j'fume un pilon sur le toit de la ville. Débrouillard à jamais. débrouillard à jamais. Jamais. Débrouillard à jamais. Demandez pas ce que je fais dans la vie. J'suis foncé avec 2-3 youvois du quartier. J'fais ma pilon sur le toit de la vie. Débrouillard à jamais. Jamais. Débrouillard à jamais. Jamais. Débrouillard à jamais. Fais pas l'amour à une femme comme un homme. La Bible dit que c'est une abomination. Alors à chaque fois que je t'encule, je demande pardon au ciel pour faute d'inattention. Je suis pas là pour faire la morale. La morale a fait de moi ce que je suis devenu. Ma vie s'inspire de la sabane. Plus tu gagnes du blé, plus je te pèse sans retenue. Je compte pas obtenir de diplôme comme Dolpha Negro. Pour moi la school c'est fini. J'aime vers le succès, je marche, j'ai des ampoules au pied. À chaque année passe un remake de Billie Jean. La vie ne fait aucun cadeau. Le Père Noël n'existe pas dans la rue. Passeur avec des produits illégaux. Les keufs t'attrapent, négro, tu ne m'as jamais vu. Un gun, un flow, je te tire dessus. Et je te transperce le dard. Je vois jamais de course de spermato. Mais je donne beaucoup de départ. Je suis dans le Pacifique, dit-on. Je débite des pros et des verres. Je suis un pacifiste qui compte. Me défie, repose en paix. Le silence est d'or donc chute. Quand je t'encule, ne crie pas. Je veux entendre que le frottement des poires et le bruit de mes grosses testicules sur ton huc. Grosse puce. Tu crois que t'es où là? Toi et ta schneck, allez faire de la moula. Ramène l'oseille à mes youvois, je n'ai aucun remords. T'es Sarah Connor, je suis Terminator dans ta techa. Demandez pas ce que je fais dans la vie. Je suis foncé avec 2-3 youvois du quartier. Je fais ma pilon sur le toit de la vie. Débrouillard à jamais. Jamais. Débrouillard à jamais. Jamais. Débrouillard à jamais. Demandez pas ce que je fais dans la vie. J'suis foncé avec 2-3 youvois du quartier. J'fume ma pile, on s'entend de la vie. Débrouillard à jamais. Jamais. Débrouillard à jamais. Jamais. Débrouillard à jamais. Ma fille, si j'prends pour 10 ans ferme, ne noie pas ton chagrin dans du sperme. Nager. Va prendre le Glock dans la chambre de papa. Ensuite tu le donneras à tonton Dolpha, qui s'en servira contre la grosse alopsa. Et c'est seulement quand cette balance avouera que tu lui diras de l'enculer, de sorte à ce que plus jamais son trou se referme. Au PJ des classes à leur team, vont chercher renfort en franc-maçonnerie. Le sang remplace l'encre de Chine. Le bruit de ta mort remplace maçonnerie. Y'a rien de plus dangereux que la main tendue. Je veux pas ton aide, évite ton gros litige. Un cadeau empoisonné bien vendu. Une air porteuse séropositive. Ils sont comme chaussures devant mosquée. Sors calé à l'entrée, vont devoir rentrer pioncé. Y'en mes avis, rien n'est nuancé. J'te vois comme Jay-Z, vois Beyoncé. Une salope que je n'ai pas besoin de financer. Un bustier en I qui se finit en C. Mais son passe en club, t'es ambiancé. Seuls les darons sont mes créanciers. Ta meuf un anneau dans le ventre. J'les dois t'es au point que j'en suis passé entre. Autrement dit, nous sommes fiancés. Balance ton prix, va nous dénoncer. De toute façon, les preuves sont déjà dissimulées. Fais tout ce qui rémunère le nègre et ta famille. Ne me demandez pas quelle est ma mission sur terre. J'suis débrouillard à jamais. Demandez pas ce que je fais dans la vie. J'suis foncé avec 2-3 youvois du quartier. J'fais ma pilon sur le toit de la vie. Débrouillard à jamais. Jamais. Débrouillard à jamais. Jamais. Débrouillard à jamais. Demandez pas ce que je fais dans la vie. J'suis foncé avec 2-3 youvois du quartier. J'fume ma pilon sur le toit de la vie. Débrouillard à jamais. Jamais. Débrouillard à jamais. Jamais. Débrouillard à jamais. 100%. 100%. Plus Planète Rap. Au lieu de toucher à toutes ces pouilles perso, j'taffe ni puck ni dorso. Mon 44 me chatouille les couilles. J'lève mon cul pour faire des ronds. T'as rien pour moi, merci au revoir. La rue n'est pas faite pour tout le monde. C'est pour ça qu'on y a fait des trottoirs. Ah c'est la street boy. Y'a ceux qui font du pif, y'a ceux qui tricotent. J'ai refusé ton fils car j'suis pas les brocantes. J'crois baiser la vie à peine tu la tripotes. Y'a ceux qui te fument, y'a ceux qui crapotent. J'tous mets les fers sur la tête de mon Glock. Pareil que j'suis plus même, pareil que j'radote. Depuis que j'ai chalé sur la tombe de mon pote. Ils veulent que j'rappe comme à l'ancienne. Un peu d'autotune, ils m'ont prêt pour Jules. Ils vont chier dessus toute une semaine. Quand ils vont se faire doigter par le genou. Ouais, c'est bientôt la fin de la trappe. Que veut devenir tous ces rappeurs? J'serais pas choqué de les voir retourner taffer pour 10 balles de l'heure. Même en été, ton effra du ski. J'attends pas décembre pour qu'il neige. Dans ton morceau, tu fais le grossiste. Mais là, il est temps que tu payes mon sang. Hey, j'te fais tenir jusqu'à l'aube. Coke acidulé. Elle me radote que l'alcool c'est de l'eau. J'lui ai répondu que le sperme c'est du lait. C'est quand je les vois accélérer que je prends le soin de ralentir. Avec du recul, je me dis hamdoul, ma routine pour les divertir. Autour de moi, insensé, j'ai vu le poteau se travestir. Enlève un C à succès, tu verras comment ils ont fait pour réussir. Sincère et fidèle à mes principes, c'est peut-être parce que je suis devant toi que tu me vois plus dans le rétro. T'as rien dans le slip, mais la liberté d'expression fait que tu fais le fou derrière ton micro. Frimer c'est gratuit, comme cette rafale en T-Max sur ton thorax. Passer mon moto, je sors du maquis en arme à nu. Disparaître sur bête, tiens ma moto. Y'a plus personne quand ça défouraille. Tous calibrés aux funérailles. Fordest te dira vieux, si je dois crever, laisse-moi chahed. Je m'en bats les couilles de vous dire adieu. Ah ces fils de là, je me dégoûte. Compare pas assez à des coups. Ils se pointeront à mes rendez-vous le jour, les poulots en découille. Faut pas que les prendre, faut les rendre des coups. On s'est croisés, boulevard d'avoue. Trop déterminé, fils de pute, j'en ai même fait douter ton marabout. Bon qu'à faire de l'argent crade. Le cul rempli de celle-là. Ils font les fous sur de la trappe. C'est que des poucaves comme Valbuena. On est de ceux qui vivent de la braque. Deal de cocaïne. J'prends tes menaces pour une bloc. Car le ridicule ne tue pas. Ré, ré, ré, on vise le crâne, pas les lombaires. Paye tes dettes, la putain de ton père. On traite ton décès avec du ton père. Je sais qu'ils m'observent, ils veulent tout savoir. Ce qui que je baise ou ce que je dis. Sa mère la pute, faut croire que je suis plus coté qu'un gros lard dans un club à striptease. La gloire a son temps, le succès s'achève. Je tire la chaise, si tu veux tendre. Rien ne se vend, mais tout s'achève. J'ai compris qu'il y avait rien à comprendre. Les vrais m'ont dit, c'est quand que tu perces. T'es plus forte que la putain de Satan. Tout porte à croire que j'ai baisé ce rap game. La main sur la bouche pour pas qu'on l'entende. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Je suis pas souvent, je sillonne comme un diamant sur un disque. Oh, yeah. 100% rap français. 100% explicit lyrics. Nocturne. Solide. Gucci. ECH. Asset. Corps. J'ai fumé des kilos d'air. Craché dans le CO2. Traîne des problèmes, puis c'est eux deux. Les vrais, les demi-vrais, j'peux pas plaire aux deux. Une vie dans la gloire en vaut deux. Bitch, une bonne parole en vaut deux. J'sens le fric, son odeur. Le vice, son horreur. Fiji, si tu pars, est douteux. Melo Inard dans la go. J'ai mon père et tasse, mi auto. PD, j'viens du route. Crois sur le carrelage, deux sur la moto. J'suis sur la photo. Aussi vrai que mes potos. On attend rien du loto, entravé dans des roseaux. Ma crédulité bute ma raison. Y'a 3 kilowatts à mon réseau. J'frai, j'mets le 12 dans les taux. J'le découpe un 20, demain on va se lever tôt. Sans passer dans le vito. Dérober les métaux, bitches, ferme tes rideaux. Et puis j'ai pas le temps, plus petit j'ai les dents. Ouais, plus petit j'ai les dents. J'aurais jamais dû leur accorder de temps. Mais y'a des gens que j'aimais trop. J'fais des pas et viens, j'tourne en rond. Remercie ma putain d'étoile si j'm'en tire avant. Que mon air vienne et qu'il tire dans mon dos sans regret, sans pitié. Mais j'regrette pas la vie que j'ai. Oui, c'est la vie, si je me fais shooter, on brasse les roumets. Solide, on s'arrache les trophées, meurt jeune en voiture dans la brume. Rentrer, ressort, on y perd des poteaux dans des écrans de fumée. Ôter la vie, je m'en ai refrais, t'es refrais pour le kilo s'allume. Rien de dramatique, si je me fais shooter, on brasse les roumets. Solide, on s'arrache les trophées, meurt jeune en voiture dans la brume. Rentrer, ressort, on y perd des poteaux dans des écrans de fumée. Ôter la vie, j'vois mes refrais, des refrais pour le kilo s'allumer. Rien de dramatique si j'me fais shooter, embrasse les armées. Jeune autonome, fais la fraîche en binôme. Cuit sur le banc tout l'hiver, on finit par s'y enrhumer. Des portefeuilles vides, pour des cœurs énormes, des cœurs énormes. Chrome sur chrome, papa ruiné. Bébé, si j'crèvais moi encore et que même la mort ne nous sépare pas, faudra viser les teutés. Ce soir j'ai mon pare-balles. J'suis venu, j'ai fondu leur projet. J'ai reçu, j'ai rendu les crochets. Rentre dans ta maison quand t'es couché. Tout on va pas voler les fauchés. Pédale à ce fort est avec nous, j'crois qu'on pourrait soulever les rochers. On y traîne depuis petit, sans y voir le danger. On craint pas les képis, on craint de revoir maman rité. Dis la fée maritime, y'a mon sang sur ton rinté. J'ai compris la chagra ça paye, j'ai compris c'est chacun sa taille. Rapport ta qualité, j'ai compris c'est chacun sa paye. Et le rap fera pas toi l'homme que t'es pas. T'as la tchatch ou les guépas. La coupe ou la pure de rêve. J'fais des pas et viens j'tourne en rond. Remercie ma putain d'étoile si j'm'en tire avant. Que mon air vienne et qu'il tire dans mon dos sans regret, sans pitié. Et j'regrette pas la vie que j'ai. Oui c'est la vie si j'me fais shooter, embrasse les roumets. S'arrache les trophées, meurt jeune en voiture dans la brume. Rentrer, ressort, on y perd des poteaux dans des écrans de fumée. Ôter la vie, j'vois mes refrais, des refrais pour le kilo s'allume. Rien de dramatique si j'me fais shooter, embrasse les homies. SCH dans la nocturne, c'est 100% rap français. Solide à l'instant, la nocturne ça continue. On n'a pas encore dédicacé, à mon plus grand regret, monsieur Lacrim. Grosse dédicace à Lacrim qu'on va écouter maintenant avec Petit Jaloux. À venir, le son de PNL, Tempête. L'ami Leslie Jia aussi et son morceau Vegas avec plein d'invités dessus. Ça arrive dans la nocturne sur Skyrock. La Planète Rap sur Skyrock. Nocturne. Le son tourne comme le monde. Hier soir, j'ai rêvé que je m'appelle la crème, que j'avais tout niqué. Toutes les balles sont dans les barils. Elle mou de la chatte, elle veut se marier. Si tu veux acheter, on a tout ce qu'il faut. Tu fais du détail, pourquoi tu fais le gros? Le son parle en faune. Y'a R, y'a R. Dans le club à l'envers. C'est la guerre, la guerre. Enfin, moi, tout pour le show. Enfin, moi, C'est qu'on est les meilleurs. J'ai leur corps déter. J'ai fait des mitrailleurs. On fait des love. A pu savoir où les mettre. On est tous un peu comme Pablo. On est tous mecs à CD. Ton CD. J'suis dans la boîte. Sur plein de bouteilles. Sa mère l'oseille. On se tue pour elle. J'regarde le ciel. Complètement bourré. C'est un du match. J'ai des lits sur le sel. Prends pas le mal. S'ouvre le sol. Comme les bouteilles de Zaza, nos cœurs sont vides. Et de plein de joints de weed. Un million d'ennemis. J'ai rêvé que j'étais maître Kitra. Petit jaloux. Petit jaloux. Petit jaloux. T'es dans le piège jaloux. C'est le jour de l'an. C'est le jour de l'an. C'est le jour de l'an. Mon ref on dépense, on fait coller le sang. Coller le sang, coller le sang. Tous les yeux sur nous, mais pourquoi des jaloux? Hey hop, numéro 1 avec qui tu veux jouer? Hey hop, prends pas le mal, s'ouvre le sang. Prends pas le mal, s'ouvre le sang. Prends pas le mal, s'ouvre le sang. Comme les bouteilles de Zaza, nos cœurs sont vides. Et de plein de soins de weed. Un million d'ennemis. J'ai rêvé que j'étais maître Kitra. Petit jaloux. Petit jaloux. Petit jaloux. Et dans le piège jaloux. Cent rap français. Planète La Nocturne. J'ai des gentiments. Quoi pas, c'est un atteint la villa. Les démons me chuchotent, Marilla. Mon carré une tirelire, toujours en manque de billets. J'voulais juste être riche, Hugo, j'voulais pas briller. Billet de 500, j'refais pas piller. Papa m'a dit, mon fils, t'en fais pas, c'est des pétés. Seront jamais ce que j'ai été. Seront jamais qui j'ai été. Alors j'fais le tour de la ville. J'rêve de la tonne, j'fais le kill. J'suis tous les jours sur le grill. Pendant que mon étoile défile. Rien d'exceptionnel, ça recommence sur R. Je croise plus sur terre, l'enfer terminera la guerre. Ego j'ai la dalle et ma haine m'ouvre l'appétit. On a grandi à poil avec le M sur la tétine. Caresse du temps qui passe pour m'adoucir. Changer de vie maintenant, ego c'est pas possible. J'peux pas m'endormir sans demander pardon. J'fais plein de souvenirs, j'retourne au charbon. S'enfonce dans la tête, trouve ça qui fange pas l'usine. J'course le bonheur, j'suis comme Titi et le gros miné. J'suis à l'hôtel, j'pars resto, j'suis pas au ciné. Aux arrivants, aux allumettes, j'crame ma cimée. J'dis à la madone, ce que j'te ferais, j'peux pas le dessiner. J'ai la barre, mauvais garçon, laissez passer, laissez passer. J'tourne le dos à ces putes, c'est la base. J'sors de Fleury, y'a le pétasse, fais mes lacets. Ma vie sans son merde. J'roule une yax. J'sors le doigt en l'air. Rap. 100% rap français. Je me couche, je l'ai. J'ai pas le temps, y'a la première place qui m'attend. J'descends un café serré, comme tes fesses ou tes molaires. De façon, j'peux pas te plaire, comme mon ex ou ton beau-père. RER à station Aubert, voilà c'est fini. Jean-Louis Aubert, banlieue 2, P-A-R-I-S, R-A-S. J'mets mon GPS sur L-A-S, V-E-G-A-S. No stress, flex, B-U-S, m'amène L-E-S, Lija et le reste. Rendez-vous sur la côte ouest. Grimpe sur le dos de Pégase, vole vers Las Vegas. Alvin pour le blast, tu veux ma place, mec, range tes faces, t'es naze. Seul crainte que Jésus, il a marché sur les. Moi tout ce que je peux faire c'est te marcher sur les os. Ils me disent Alf, fais-le, ok je vais le faire. High comme la tourette, fais-le, fais-le et le frère. Afro power, raser la tête c'est dead. La seule de blonde que j'ai eu elle a fini ce qui naît. On se retrouve à Vegas, rendez-vous de bitches. Le you avec des liens sans plus savoir quoi on fait. Si on se retrouve à Vegas, m'amène L.E.S. Lija. On se retrouve à Vegas, rendez-vous sur la côte ouais. On se retrouve à Vegas, rendez-vous de bitches. Le you avec des liens sans plus savoir quoi on fait. Si on se retrouve à Vegas, m'amène L.E.S. Lija. Si on se retrouve à Vegas, je vais la faire sale, je vais la faire bang. J'suis sur le ring, j'suis dans la jungle. Et gringo, j'soulève ta bimbo, j'te laisse ma dinde. Petit verre de vin blanc, t-shirt serré bien blanc. Père de Jordan que t'as jamais vu dans le zingam. Alléluia, kawabenga, le style est dingue. J'peux ramener mes zingues, pas besoin de flingues, vous êtes des ringards. S'agit que de faire des dommages sans aucun bang bang. J'vais te faire un multi-clonage et j'vais les gang bang. T'as vu, t'es venu, tu t'es chié dessus. Condamné à vivre pour toujours, Viking, Ragnar, Lodz. Rock, je suis, fais ton job à plein temps comme Steve. Sam Crow, je viens de Charming. Je suis le parrain du succès. Bla bla car je conduis, tu vas payer. Marche les poings serrés, extérieur. Rendez-vous sur Tinder, que des catins. East Side Blower. Rendez-vous de bitches. Le you avec des liens sans plus savoir quoi on fait. Si on se retrouve à Vegas, m'amène L.E.S. Lija. On se retrouve à Vegas, rendez-vous sur la côte ouais. On se retrouve à Vegas, rendez-vous de bitches. Le you avec des liens sans plus savoir quoi on fait. Si on se retrouve à Vegas, m'amène L.E.S. Lija. On se retrouve à Vegas, rendez-vous sur la côte. Toi de l'eau qui dort comme la forme d'une top dans un jogging. Ils ont des disques d'or mais dans leur slop il y a du pudding. Certains chient par le cœur parce qu'ils l'ont à la place du huc. Me serre pas la main, regarde mes yeux quand je te serre la nuque. L'amitié a de la gueule quand elle est sincère amigo. Quand elle devient un gamos, laisse pas les potos dans le rétro. Fuck ton pote et tous ses potes et tous leurs potos derrière. Je suis OGB, parole d'arabe, appelle-moi OG Wire. Et on me prend pas pour un con, je suis un grand, je suis un bon gars. J'ai le cœur sur la main mais le gun est le prolongement de mon bras. Car derrière chaque wesh la famille se cache machin, je te souhaite la famine. T'es bienvenue dans le monde des bang bang et des moudas, que des bling bling de perdants, va te pondre avec tes merdes. Il reste quelques résistants, y'a pas Kwam, et les vrais nous reconnaissent comme les premières notes de Shukwam. On des ouf de bitches, de Yuba avec Delia sans tout savoir quoi en faire. C'est qu'on réussit l'enfer, qu'ils appellent ville lumière. Poche dans les ténèbres, c'est pas la mec qui s'y prend, rien que des luminaires. Tape bien de la ville minière, avec la Sheheda de fresh talent au bout des lèvres. Je marche seul dans la sombre vallée de la mort qui souffle comme des bougies d'anniversaire. Alors la course aux richesses est devenue mon seul adversaire. Parler sans conviction, c'est comme rapper sans thème. Vaut mieux crever d'une leçon que d'en vivre une centaine. Tu peux te vanter que la rue t'a enfanté, mais Lucifer trinquera ta santé. On a nos munitions, tire à l'unisson. Fais kiffer nos petits sons, s'en fout qui sont. Mon 8 en va te terrasser. Appelle-moi Black Tit en cuirassé. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Aïe, mixtape numéro uno. Aïe, Calabolo, for my peeps, yo. 1999. Toujours la même fuite de gaz, la même suite de phase. Yeah, yeah, better recognize. Pose sur ma mixtape, donc faut que je frappe cette entrée d'entrée. Potence déclenche, le plan hors sec rentré. Les faux MC, dégagement sale MC, ça va être chaud. MC Jimmy coupe le beat, m'en fous, j'suis flow. Flow fly comme MISS, mais c'est comme BOSS. Fabricant de prouesses, ma faute, j'ai shoot, j'coute, j'ai. J'ai tapé de vol mon bout, j'ai. Comme quand je niquais au foot, chérie, j'suis là, t'inquiète. J'ai mon réseau, ma clique style schizo. En toute saison, rime coup de ciseaux, pas besoin de mise au point, j'vise au moins. Deux fois mieux que toi, et tu le sais, baby. C'est clair que ça te paralyse, et qu'on s'en sate le glaçant. Les premières mesures, je suis en mesure de lâcher les choses absurdes. Je suis sûr que c'est dur de me suivre, mais moi je te jure que c'est pas fini, ouais. Faut tout donner, it's on the ground clock. Lors de format, plus que ça sonne. Ouais, touche pas à ma musique, touche pas à ce que je fais, touche pas à ce que j'ai. Mon patrimoine, mon projet, ma patrimoine, j'y crois. J'ai mis tout ce que j'avais dedans. Touche pas à ma musique, touche pas à ma musique. Ouais, touche pas à ma musique, touche pas à ce que je fais, touche pas à ce que j'ai. Mon patrimoine, mon projet, ma patrimoine, j'y crois. J'ai mis tout ce que j'avais dedans. Touche pas à ma musique. Pas ma musique. Je t'explique ce que je kiffe, c'est de fumer des spliffs, de construire des riffs qui soient compétitifs. Pouvoir faire de la musique tout en gardant mon éthique. Faire du fric sans jamais tâcher l'image de ma clique. C'est fou mais c'est comme ça, je me nourris de ça, j'ai besoin de ça. Mon équilibre dépend de ça. Je suis sur le mic, mais que plus j'aime ça. J'aime quand ça fait bah, quand ça vient d'en bas. Et puis quand c'est pas pour finir, lécher. Trop sophistiqué, c'est péché. Je préfère m'approcher la vérité sans tricher. Sans jamais changer mon fusil d'épaule. Et puis garder mon rôle, tenir la tôle. Rester en pole position, peu confortable, mais c'est pas grave, j'aime le challenge. Porter le maillot, frapper du saut de ceux qui dérangent est un honneur pour moi, comme pour tous mes complices, mes compères, mes comparses. Fatigué de cette farce, on veut plus subir et continuer à jouer les spires. C'est ce que ce à quoi j'aspire, c'est que les miens respirent. Que that's my peeps, yo. Sur le beat, yo. Ouais, touche pas à ma musique, touche pas à ce que je fais, touche pas à ce que j'ai. Mon patrimoine, mon projet, ma patrimoine, j'y crois. J'ai mis tout ce que j'avais dedans. Touche pas à ma musique, touche pas à ma musique. Ouais, touche pas à ma musique, touche pas à ce que je fais, touche pas à ce que j'ai. Mon patrimoine, mon projet, ma patrimoine, j'y crois. J'ai mis tout ce que j'avais dedans. Touche pas à ma musique, touche pas à ma musique. Yeah, yeah, touche pas à ma musique, hein. Ou toi-même, tu sais que j'ai que ça, gars. Ça se passe comme ça, et c'est for my peeps, yo. B-U-S-T-A-Z-O-X-O-A. Big up au Jaguar, Gorgon, Supreme Nekoumouk. Et encore là, prêt à foutre le souk. Puis 83, bébé, pour un 999. Sin-Sin is dead. Ah, il faut donc ton gilet pare-balles. Planète rap, 100% rap français. Chanel m'a donné des ailes, Marim. Marim. Issue de la cave, elle est belle, Marim. Marim. Elle a pas de race, elle emmerde, Marim. Respecte-la, elle chante en marchant sur la deadline. Jeune, elle m'a donné des ailes, Marim. Marim. Issue de la cave, elle est belle, Marim. Marim. Elle a pas de race, elle emmerde, Marim. Respecte-la, elle chante en marchant sur la deadline. je l'ai pas vu venir, elle. Elle m'a fait changer de vitesse. Je suis tombé sous son charme, elle était belle, vêtue de tristesse. Je l'aime trop, je la peaufine, l'âme en peine, le cœur en détresse. Elle m'a dit, tout est possible, t'es une confidente, une maîtresse. Des taches d'encre, moisir, des heures pensées, se tenir le crâne. Des pages blanches, noircir, des feuilles pour obtenir le grade. Les paillettes et les ventes, non, ma rime, elle ne s'y retrouve pas. Et moi, t'sais que j'aime tellement que je préfère quand il touche pas. Ma rime pèse, tu l'as remarqué, elle reste une tigresse. Dure à marquer peut-être, sur sa notion de parking. Ma rime, je sais qu'elle t'a marqué. C'est le lien entre toi et moi, un pont entre ton histoire et mes mots. Entre ma plume et toutes tes peines, entre tes peurs et mon flow. Jeune, elle m'a donné des ailes, ma rime. Issue de la cave, elle est belle, ma rime. Elle a pas de race, elle emmerde, ma rime. Respecte-la, elle chante en marchant sur la tête, là. Elle est magique, ma jeune, elle m'a donné des ailes, ma rime. Issue de la cave, elle est belle, ma rime. Elle a pas de race, elle emmerde, ma rime. Respecte-la, elle chante en marchant sur la tête, là. L'estomac noué, le chrome est dans la paume. Quand j'ai ma bouée, je sais que je peux pas couler. Je l'ai dans la paupière, tatouée ma rime. Puis si elle se propage, aucun juge ne peut les trouer. Laisse-moi juste lui rendre hommage, car elle est belle, je peux te l'avouer ma rime. Elle reste déguisée, elle frappe du côté tranchant sans se déguiser. Toujours puissante, même quand je rappe mes mauvais penchants, je rappe et je rappe. Ma rime est ciselée, moi j'ai vu noyer ma haine, cracher ma peine. Le texte est ficelé, et je suis trop pas attaché à elle, ma rime. Jeune, elle m'a donné des ailes, ma rime. Issue de la cave, elle est belle, ma rime. Elle a pas de race, elle emmerde, ma rime. Respecte-la, elle chante en marchant sur la tête, là. Elle est magique, ma jeune, elle m'a donné des ailes, ma rime. Issue de la cave, elle est belle, ma rime. Elle a pas de race, elle emmerde, ma rime. Respecte-la, elle chante en marchant sur la tête, là. Ma rime est solaire, mon flow pas vraiment scolaire. Elle est tantôt ma complice ou tantôt l'otage de ma colère. Elle est l'ami des 100 grades, elle respecte toujours nos semblables. Elle a beaucoup plus de 20 ans d'âge, elle avait même prédit quelques naufrages. Marie, elle t'a régalé, Marie. C'est à moi. Elle t'a même servi de sparring. Elle accepte les débats logiques, elle évite net la démagogie. Ma vie l'addict, je suis addict, je suis addict. Marie, jeune, elle m'a donné des ailes, Marie. Issue de la cave, elle est belle, Marie. Elle a pas de race, elle emmerde, Marie. Respecte-la, elle chante en marchant sur la tête, là. Jeune, elle m'a donné des ailes, Marie. Issue de la cave, elle est belle, Marie. Elle a pas de race, elle emmerde, Marie. Respecte-la, elle chante en marchant sur la tête, là. Rap français, planète rap. La nocturne. I make music for my people. But that's my people. That's my people. I make music for my people. But that's my people. That's my people. That's my people. That's my people. Je t'explique ce que je kiffe. Fumer les spliffs et plus de construire des riffs qui soient compétitifs. Pouvoir faire de la musique tout en gardant mon éthique. Faire du fric sans jamais tâcher l'image de ma clique. C'est fou mais c'est comme ça, je me nourris de ça. J'ai besoin de ça, mon équilibre dépend de ça. Je suis sur le mic, mec, et puis j'aime ça. J'aime quand ça fait pas, quand ça vient d'en bas. Et puis quand c'est pas, pour finir léché. Trop sophistiqué, c'est péché. Je préfère m'approcher de la vérité sans tricher, sans jamais changer mon fusil d'épaule. Et puis garder mon rôle, tenir la tôle, rester en pole. Position peu confortable mais c'est pas grave. J'aime le challenge, porter le maillot, frapper du saut de ceux qui dérangent est un honneur pour moi, comme pour tous mes complices, mes compères, mes comparses. Fatigué de cette farce, on veut plus subir, ouais. Et continuer à jouer les sbires. Sache que ce à quoi j'aspire, c'est que les miens respirent. Mes kiffs c'est de chiller, ouais. Rester tranquille au sein des miens, me laisser aller, à déballer. conneries parlent juste pour parler. Pour faire le monde avec notre vision décalée. On est des fous, bloqués dans des cages d'escalier. Pris en otage, je parle le nombre élevé de paliers. Et à la longue, mec, je t'assure, tout ça, ça pèse. 96, je vois toujours des braises allumées. Dans les yeux fatigués, des gosses du quartier. Passe le mic. Et je développe mes idées contaminées. C'est vrai, je suis miné, déterminé à ne jamais vraiment lâcher l'affaire. Qu'est-ce que tu peux faire? Je suis pas là pour prendre des coups, bien même pour me taire. Si le FN brandit sa flamme, je suis là pour l'éteindre, c'est clair. Pas d'éclair, de gêné, juste un lyrics qui jaillit de mon esprit, dédicacé à mon poissé. Excuse au fait de prendre de l'âge. Si je sens pas les miens autour de moi, putain, c'est naufrage assuré. C'est vrai, je me sens rassuré. Qu'en présence de ceux que j'aime, je veux m'assurer que tout ce que je balance soit approuvé. Même si j'ai rien à prouver, je veux que tous mes potes puissent s'y retrouver. Je veux pouvoir les garder près, moi les regarder 12 mois par an. L'ont fait mes parents pour moi, parce qu'après c'est trop tard. Faut pas comprendre qu'on les aimait une fois qu'ils sont tibas. Au pire, c'est que t'as envie de pleurer. Plutôt que tu sais pas, c'est pas. Dans ce cas je peux rien pour toi. J'ai pas la clé du bonheur. J'ai même jamais été à la hauteur. Mon genre de truc, mais aujourd'hui j'ai peur. Car l'horloge a tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné. Session avec Cool Chain pour conclure à l'instant cette nocturne. Il y avait Cool Chain avec Touche pas ma musique, ça c'est des extraits, il y a un sacré moment d'une mixtape. Il y avait le morceau le tout nouveau qui vient d'être balancé, Marim, à l'instant, à pas confondre avec Marine, c'est Marim de Cool Chain. Et puis là That's My People, évidemment, le Supreme Anthem qu'on écoutait à l'instant avec la voix de Cool Chain sur Skyrock pour conclure cette nocturne. C'est fini pour la nocturne. Fabuleux, dont c'était l'anniversaire aujourd'hui, doit être dans un bon état comme d'hab, il est là prêt quand même à mixer. On y va, c'est parti. Rap R&B en non-stop, bon anniversaire encore à toi le poteau. Et à tous ceux qui sont nés le 21, 22, 23, 24 janvier. Et tous les autres jours de l'année. C'est parti, la nocturne revient dans une semaine. Lundi, loupez pas, il y a le fa. Rap and R&B. Rap and R&B non-stop. Skyrock. Rap et R&B non-stop.